Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 131e épisode de Rétro Nouveau. Yeah. Ça va bien, les gars? Hey, si ouais. Ça va bien, toi. Colin, si on est éclairé, man, par le soleil. Regardez le hublot du Seigneur. Là, ouais. C'est tellement clair. C'est comme, on est comme dans une secte, là, ouais. dans le pignon d'une église. Je sais mais pas. C'est la lumière parce que c'est un épisode mythique à ouais. soir quand même. 131e. 131e, c'est toujours là. C'est juste... toujours là. fait que, à non, ma gauche, ben, Jeff Cromp et ce soir, ou on est vraiment ce soir avec la lumière qui est dans la fenêtre, je vous parle de deux excellents jeux de VR, Cartong, Death by Cardboard et le très excellent Budget Cuts. Yeah, Fred Gemus, et ce soir je vous parle de l'excellent Fortnite Battle Royale, mais sur Nintendo Switch. Oh. Yeah, Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, vous parle du nouveau Castlevania qui se nomme Bloodstained Curse of the Moon. Ah, oh, yeah. Yeah! Bruno Georges avec vous pour vous parler de Just Shape and Beats, un jeu québécois. Yeah. Québec, hostie, ça a fait un bien Mont-Saint-Jean! Mont-Saint-Jean! Fait que c'est ça, fait que à soir, un show mythique à cause que, en fait, c'est notre dernier épisode ici. Ben oui! Ouais, c'est ça, finalement. Finalement. Hey, quelle émotion, ouais. On quitte Longueuil pour s'en aller à Saint-Hubert. Hey, prochaine étape, la montée Régie. Non, on s'en va de plus en plus loin. Saint-Bruno, puis on descend. Exact. Magog. Le métro se rend pas en tournée. Ouais, je sais pas si le métro se rend là. Hein. La ligne rose, peut-être, un jour. Un petit communauté. Ah, ouais, la ligne rose va partir. On prendra la grande catapulte, celle qui t'attend déjà. Mais ouais, dernier show ici. Fait que là, on enregistre ce soir... Puis là, la semaine prochaine, il n'y a pas de show. Ben non. L'autre semaine d'après, on a-tu un show? Chez vous, frère? On n'a pas décidé encore, mais ça se peut qu'on en fasse. Il va falloir qu'on en parle. Hein? Okay. Faudrait qu'on en fasse un chez Fred. Sinon, il y a l'excellent Michael Baroque Larouche du Chaque à cassette qui m'a proposé qu'on enregistre chez lui parce qu'il y a tout le matos. Il veut nous héberger. Si on veut faire ça. Il pourrait se faire aussi. Ouais. Fait que ça pourrait se faire drette là. Ça se passe dans le schlag. En schlag life, man. Moi, Mike, j'accepte l'invitation seulement si tu joues du guitar pour nous autres entre les critiques. Ah ouais, c'est vrai, hein? L'intro en guitar. Pose ça. Ben oui, l'intro en guitar. Là, au moins le thème de Blades of Steel. Fait que ça serait bon ça. Mais fait que on va vous annoncer ça là, qu'est-ce qui se passe mais pour ce soir, profitez-en, profitez du décor, il y a plus rien. Profitez de l'écho dans la pièce. C'est l'écho, ça, c'est écho, man. C'est une tristesse infinie. On est blancs, man, on est comme des mimes. C'est vrai qu'on est blancs. C'est ça, puis aussi, les Patreons, vous avez probablement trouvé qu'est-ce qui se passe de ce temps-là, parce qu'on a fait une pause sur les paiements à cause que, justement, il y a moins de contenu ces temps-ci à cause que, justement, le temps nous manque. Il y a eu le trop petit ça, déménagement à gauche et à droite. Dominique, déménagement. JF, déménagement. Je redéménage en fin de semaine. C'est-tu qui aime ça, déménager, ce gars-là? Ouais, c'est pas ça, man. J'ai hâte de finir. T'as l'air vidé, man, sur ton dernier vidéo, là. Ton vlog que t'as fait, là, sacrement, man. C'est une prison, là, ce condo-là. Fait que moi, j'ai la barbe super longue. Ah ouais, t'es gris. J'ai des cernes, je prends plus soin de moi, man. J'ai en dépression, je suis plus capable. Mange juste du pain. Ah ouais, c'est atroce, man. Mais bientôt, cet enfer sera terminé. Ah ouais. Mais je me plains pas, c'est ça que je voulais, là, mais là, c'est juste comme plate. Puis j'ai autre chose. Faut le faire. C'est ça, c'est une transition dolle. Mais c'est ça, je voulais dire ça aux Patreons parce que, inquiétez-vous pas, c'est pas à cause que c'est fini puis on fera plus pre-show tout ça, c'est juste à cause qu'on. Non, mais je les ai avertis, les Patreons, sur Patreon aussi. Puis il y en a plusieurs qui disent continuez les paiements, moi je vais vous encourager pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais. C'est gentil ça. C'est gentil, mais on s'en a un peu mal de pas vous offrir de contenu pour deux mois supplémentaires. Ça te dérange pas de refuser 4000$ là. Non, on est super fair. Ouais, c'est ça, on va vendre nos reins puis tout là. On n'a pas besoin de deux là. On a ce qu'il faut pour le studio pour l'instant, donc ça va être correct puis après ça on va revenir en force. Ouais. Ouais. En plus, t'as déjà acheté le frigibière. Ben oui, le frigibière est de nouveau dans on a déjà le frigibière. Hostie! Capoté. Hey, ça se passe. Malade, j'ai hâte de remplir ça de Milwaukee's Best Drive. Juste ça de vrai. du vin rouge aux frettes là dans un. C'est le vignier dans le frigo. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah oui, deux trois vigniers. Marie-Denise Bombardier. Ouais. Non, un vignier. Pas les enfants de l'école Saint-Georges-de-Vanier. Un vignier. Oh, un pénis. Sacrement. Des jokes de RBO pour les gens à peu près 25 ans qui comprennent rien en ce moment. Ouais. Désolé pour les jeunes. Ça écoute. Dérape tout ça, mais ici. Ouais. C'est une exception du sérieux rigueur. Mais là, il fallait expliquer la suite pour RN. On l'a un peu fait. Dans le fond, on s'en va encore chez GF. Oui. Mais là, t'es en train de commencer à concocter un nouveau studio. Je me suis acheté une concocteuse, là, puis... Non, mais on aura un studio de podcasting Young Media permanent, donc tous mes podcasts, incluant Rétro Nouveau, seront faits là. La table va être conçue de mes propres mains. L'électronique va être passée, là, on verra aucun fil nulle part, ça va être incroyable. Bien éclairé, tout ça. Là, ça va devenir un paranoïaque si quelqu'un va jouer dans tes fils, ça ne débranche rien. Ça sera même pas possible, en fait, tout va être caché. Ça va être magique. Il y a une gate, on va avoir une carte pis tout. Pis y aura aussi des sarraux, man. Des touches. Oh, ouais, pas de chips sur cette table. On aura nos petites vestes de bowling là aussi, tu sais. Hey, ça on va le faire en tabarnak. Un petit veston de la soirée du hockey. Ça serait hot, ouais, ça. Oui, on va le faire. Il y aura également un endroit pour gameplay et petit bar pour les pre-shows. Donc, tout ça va être connecté en permanence. Donc, ça va être vraiment plaisant pour nous autres de podcaster là-dedans et pour les fans aussi. Ça va être le fun d'écouter. Surtout en vidéo. Va-tu avoir une cam dans les toilettes? Les fois où sont vos toilettes? Je peux mettre une GoPro, peut-être, si tu veux, au plafond. GoPro. Sinon, dans le frigidaire à bière, la GoPro. Ah ouais, c'est noir. La beer cam, la beer cam. J'y ai déjà pensé. Ça serait, tu prends une photo de la personne qui ouvre la porte tout le temps. C'est comme un block spot. Là, les gens jugent sur Internet voir quel pourcentage d'alcool on prend. Je dis, le piquet, ça. J'ai bien des bonnes idées, en fait. Je mets tout ça en place. Je vous l'ai pas dit, mais je refais le site aussi. Je fais toutes sortes d'affaires sur le site pendant que vous autres allez pas chier entre nous. Ouais. Je savais pas. Ben, je voulais poser à personne non plus. Je travaille dans mon bar. J'ai pas besoin de vous autres, en fait. Okay. Ça va looker pareil, mais ça va fonctionner beaucoup mieux et différemment. Mais j'en reparlerai en septembre. Ça allait pourtant bien. J'ai hâte de voir ça. Ça va coûter moins cher et ça va être plus hot qu'on va pouvoir faire avec ça. Moins cher, j'aime ça. Ouais. Plus efficace. Je travaille sur une intro vidéo puis je travaille sur d'affaires en même temps en parallèle. Puis je bâtis mon empire Young vu que maintenant je peux pouvoir faire ce que je veux. Là. Ben oui. Allez, ça, c'est hot. Vous écoutez la jasette, je vais en parler vendredi prochain. Malade. C'est sûr. Fait que moi, je voulais remercier monsieur Frédéric Pruneau que j'ai rencontré la semaine dernière, qui a communiqué avec nous, Fred, chez Retro Montréal, pour nous proposer une bonne partie de sa collection là, à vendre. Fait qu'on s'est entendu sur un prix et on s'est rencontré dans la cour du Game Over Saint-Hubert. Ce qui était quand même très drôle de très ironique. Trader des jeux dans la cour d'un gars qui vend des jeux. mais c'est correct parce qu'on savait, c'était un point de repère. On partait chacun de loin, fait qu'on s'est joint là, puis on a rentré en dedans de checker le stock. Fait que d'ailleurs, il y avait du beau stock. Il y a toujours du beau stock. Il y a toujours du beau stock au Game Over. Super sérieux. Des très beaux jeux de DS, des jeux portables, sérieux. C'était très cool, très bon. On les salue. Et puis, bien, c'est ça. Je voulais remercier Frédéric encore une fois d'avoir communiqué avec nous. C'est un fidèle auditeur de Rétro Nouveau. Fait que il était magané, le gars. Il était fatigué. trois enfants, trois jeunes enfants. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage et de bien dormir. On compatit. C'était bien le fun de te rencontrer, mec. Fait que merci encore. Très apprécié. D'ailleurs, justement, on a bien des événements qui s'en viennent encore. Donc, si jamais vous aussi à la maison, vous avez du stock qui dort, c'est des profits qui dorment, tout ça. Fait que, faites-nous signe, Retro MTL. On est toujours bien ouvert à voir votre stock puis on fait des offres et tout puis on tabarnouche que c'est louche toute la France vient de dire. C'était comme improvisé on cherche des lots puis là on est all in là, dans la recherche de local présentement pour faire une vraie boutique officielle legit magasin le magasin. Fait que moi, j'ai rencontré plusieurs places déjà, puis bon, j'ai pas trouvé, mais on fait des téléphones, on rencontre des gens, fait que ça s'en vient. C'est ça, fait que là, on a plus de place chez nous. Non, c'est ça. Mais là, on aura plus de place bientôt. Ben fait qu'il faut remplir ça. Fait exactement. Qu'il faut toujours être enterré sous la grise. C'est ça, exact. Fait que voilà. C'est hot. Ouais. Hey, sinon, vous autres, ouais, crossover? Oui, nous autres, on est allés à Sainte-Marthe. Nos passeports pis tout. Oui, exactement. Moi puis Fred, on a bravé Mers et Monde pour aller enregistrer un spécial 3 avec le Geek Collectif. Hey, c'était vraiment le fun. Ça a été vraiment le fun, hein? Crème, écoute, on n'est pas capable de faire ce spécial E3-là en bas de 3 heures, c'est comme. Oui. Je pense que c'est ça que le 3 ben, dans E3 c'est veut ça, dire. C'est ça que j'allais dire. C'est vraiment difficile. Il y a tellement de choses à dire. Ben oui, on pourrait en parler pendant une semaine, là, tu sais. Mais ouais, ben avec les gars en plus, ils sont. En plus, c'est combien? 5? Ils sont verbomoteurs. Sauf Milter. Milter était tranquille un peu. Milter était relax. Il a dit, il a fait le wise man un peu. Il a parlé une fois de temps c'est en temps. Il a dit quelque chose de très, très sage, très savant. Puis c'est ça. Mais non, ça a été vraiment le fun. Si vous connaissez pas le Geek Collectif, c'est ça. C'est des amis à nous, Éric Hébert, André Paquette, ainsi que Milter qui sont souvent les plus souvent au micro. Puis c'est ça, eux autres en fait ils ont le même type de podcast que nous autres mais parlent aussi beaucoup de la pop culture et de ces choses-là. Puis c'est ça, là, le spécial E3, sérieusement, on a vraiment parlé en long puis en large. Là, on a couvert nos meilleurs jeux, nos déceptions. On a parlé des conférences un peu aussi. T'sais, on n'a pas passé les jeux un à un, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, c'était très complet. Je pense qu'on a couvert tout. Je regardais aujourd'hui là, justement des couvertures de l'E3 puis j'étais comme, voyons, ils n'ont pas parlé de ça. Ouais, c'est ça. Manque de professionnels. Des vrais professionnels des jeux vidéo. C'est merveilleux. Tout ça mis ensemble, il y a comme un knowledge là, intense. Il y a un aura là, de connaissances de jeux vidéo. C'est merveilleux. Triple A. Exact. Bref, puis c'est ça, c'était juste moi puis Fred, mais aussi qui ghostait en haut, là, un peu comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Il y avait Dominique, GF et Nick qui nous avaient envoyé leurs suggestions, les choses qu'ils ont aimées du E3. Donc, on avait leur opinion aussi. Fait que ça a été bien le fun. Ils étaient là avec nous autres quand même en pensée. Ah, c'est un très bon show, en tout cas. Ouais. Honnêtement, si vous connaissez pas le Geek Collectif, ça vaut la peine d'aller découvrir ça maintenant et de commencer par l'épisode de 3 parce qu'on est là, comme ça, vous pouvez faire une transition tranquille. Ouais, exactement. On est déjà allé, un autre par exemple, univers. Où moi, j'étais allé, ben, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait 6 ans que ça roule, ça. Là, ça, là. Ça fait longtemps. Oh oui. Mais c'est ça, fait que allez écouter ça. Puis sur ça, on va commencer en critique avec Fred. Yes! Et moi, ce soir, je vous parle de Fortnite Battle Royale, un jeu développé et publié par Epic Games, qui est pas mal disponible, je te dirais, sur tout ce qui a des pitons et qui peut lire des jeux. Et depuis le 3, surprise, sur la Nintendo Switch. Alors là, je dis Nintendo Switch, surprise, mais ça avait un peu comme fuité un peu auparavant que... Des fruits au E3, quoi? Cette année, mais c'était pas chez Walmart, ça fait comme changement, on n'était pas sûr si c'était crédible. Mais bref, ça vient d'arriver sur Switch. Un très beau partenariat avec Nintendo, d'ailleurs. Alors, une petite parenthèse que je fais ici. Epic avait une très grosse présence sur le boot avec Nintendo. Il y a même des rumeurs qui courent que le nouveau Smash serait sur Unreal, mais c'est pas clair si vraiment vrai. Si c'est Il y a même eu un party Fortnite qui était très leadé par Nintendo. Tout ça. Bref, un partenariat qui vaut la peine. Sont-ils en train de s'acoquiner? Peut-être, qui sait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite, vous avez sûrement déjà entendu ça un peu entre les branches, parce que c'est pas mal le phénomène de l'heure en ce moment. Tous les jeunes jouent à ça. Ouais. C'est disponible en ce moment, la grosse version populaire est sur mobile. Parce que c'est disponible sur mobile, ce qui veut dire que tu peux pas mal y accéder à ce jeu-là, pas mal n'importe où. Donc, à la base, ce jeu-là est sorti l'année dernière. C'était un co-op survival game à 4 joueurs dans lequel on devait construire des barricades puis des bases pour survivre à des waves d'ennemis la nuit. Nicolas avait fait de la critique. Exactement. Puis, quand PUBG a gagné, PlayerUnknown's Battleground a gagné en popularité avec le genre de Battle Royale, les gars de Epic ont décidé d'en faire un eux aussi parce que, notamment, ce qu'il faut comprendre aussi de Fortnite, c'est que c'était un peu le proof of concept de leur Unreal Engine 4, qui est quand même leur technologie à eux. Puis c'était un peu comme leur jeu qui servait un peu à montrer la flexibilité de tout cet engin-là. Okay. Puis le fait de montrer que, hey, regardez, on est capable de faire un Battle Royale, nous aussi, avec ça, puis de le porter sur tout ce qui existe, ben, tu sais, c'est quand même assez vendeur. Ça montre que c'est un engin qui est très performant. Oui. Donc... Mais là, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi Fortnite, pourquoi ça pogne. C'est du monde qui... tu tombes en bas d'un boss puis tu tues tout le monde. That's it. Exactement. Donc, c'est un jeu de Battle Royale. Donc, la Battle Royale, pour Dominique qui connaît pas ça... S'il vous plaît, oui. C'est, on commence à 100 joueurs. Ben, on est soit tous contre... Moi, je sais, je te taquine. On est soit tous contre, soit en équipe, en squad et tout. Puis le but, c'est qu'à la fin, il reste comme un seul survivant. Donc, okay. Tu sais, ça, ce qu'il faut dire, c'est que sur Switch, Fortnite garde cette expérience-là à 100%. Okay. Donc, c'est pas une version watered down du jeu. Il n'y a pas juste 50 joueurs. Y a ouais. pas tout est là. Donc, ben, ça, si c'est ça vraiment... peut runner sur mobile, ça aurait été un peu ridicule. Exactement. Donc, tout est là. Donc, le gameplay est vraiment 100% intact. Les 100 joueurs sont là. On continue de récolter les items un peu éparpillés un peu partout dans la map. Dans le fond, quand on arrive dans le niveau, on est 100 joueurs, on drop d'un autobus dans le ciel. Puis le premier objectif, dans le fond, c'est d'aller se trouver de l'équipement parce qu'on part avec juste une pioche qui nous permet de ramasser, de détruire les murs parce que tout est destructible dans le jeu. Puis ça nous permet, dans le fond, de ramasser des ressources qui nous permettent de bâtir. Ça, je vais revenir un petit peu là-dessus plus tard. Okay. Donc, le but, c'est de récolter des items et tout. Puis tous les items sont là. Il n'y a pas de... Comme je dis, c'est pas une version watered down. En ce moment, sur PC, mobile, Xbox et tout, on est rendu à la saison 4 du jeu avec beaucoup d'upgrades et tout. Ça, c'est exactement la même version qui est disponible ailleurs. Okay. Donc, c'est pas une version 1. C'est exactement la même qui est partout. Donc, on regarde le même système de shooting, toujours qui est quand même assez simple, mais ouais. Vraiment, il faut quand même prendre toutes les petites twists de ce jeu-là. Mais là, je regarde ton personnage à l'écran aussi. J'ai essayé naïvement une game rapidement de 5 minutes, puis j'étais obligé de prendre ce personnage-là, on dirait, puis j'avais c'est juste ça. Ma pioche. Je vais venir là-dessus dans pas longtemps, tu vas comprendre tout ça. Donc, en fait, on va y aller tout de suite, hein, tant pis. Dans le fond, tout ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un free-to-play. Donc, c'est 100% ouais. gratuit, ce jeu-là. Et évidemment, c'est un bon free-to-play parce que tout le monde y joue en ce moment. Ce qui veut dire que c'est un free-to-play dans lequel c'est pas un pay-to-win. Dans le fond, ouais. le jeu, tout le monde a les mêmes habiletés. La seule chose que tu débarres dans le jeu et que tu peux acheter, finalement, c'est juste du cosmétique. Donc, par défaut, si tu mets 0$ dans le jeu puis 0 temps, tu vas te ramasser toujours avec un personnage de base aléatoire. OK. Donc, par contre... Avec du linge de l'aubainerie sur le dos. Exactement. tout le monde a le même linge. Tu vois qui a payé et qui a pas payé. Donc... Ah ben là, tu veux pas passer pour le pauvre. Exactement. C'est ça l'idée. Fait que, tu sais... Clever. Tu peux jouer au jeu sans mettre aucun dollar puis tout va bien. Si tu veux mettre de l'argent, c'est vraiment si pour justement t'as mis du temps dans le jeu puis tu veux différencier un peu et tout. Puis tu sais, c'est malin leur affaire parce qu'à chaque... le jeu est divisé par saison. Donc, une saison dure plusieurs semaines. Okay. Puis, pendant ces saisons-là, il y a du contenu qui est exclusif qu'une fois que la saison est terminée, ce contenu-là est plus disponible. Donc, si tu trouves que la casquette qu'il y a là est belle, ben faut que tu la prennes maintenant parce que sinon, tu vas passer sous le tapis. Et elle peut rester pour toujours après. C'est ça. Exactement. Ça reste avec toi là, une fois que tu as mis de l'argent ou que tu as acheté ça. Parce que aussi, il y a deux systèmes de progression en parallèle. Il y a une progression standard dans le jeu qui te permet de débarrer des affaires cosmétiques de base, genre des menus loading et tout, puis des affaires un peu plates. Mais si tu payes, tu as accès à ce qu'ils appellent le Battle Pass. Puis là, c'est un autre système de progression en parallèle que là, avec celui-là, tu vas chercher des trucs cosmétiques vraiment pour ton personnage. Tu peux aussi acheter directement des affaires si tu veux. C'est à ton choix, mais généralement, c'est plus le fun de pogner le Battle Pass puis de justement débarrer les trucs en jouant. Bref, tout est là, pareil dans toutes les versions. La version Switch, par contre, elle a souffert de aucune coupure, ce qui est vraiment assez extraordinaire. Donc, elle est 100% connectée avec les autres versions. Donc, joueurs PC, joueurs mobile, joueurs Xbox, joueurs Switch peuvent tous jouer ensemble. Évidemment, par défaut... T'en as oublié un. Bruno, tu me voles mes punches. Mais tu sais, évidemment... Tu mets la table. Évidemment, tu peux jouer avec juste des joueurs de Switch, puis c'est plus facile un peu, parce que c'est sûr que quelqu'un sur PC avec une mouse keyboard, que ça fait à peu près 800 heures qu'il a passé dans le jeu, il y a des bonnes chances qu'il te batte avec toutes tes petites Joy-Con. Ouais. Mais c'est le fun si je veux jouer avec quelqu'un, un de mes amis qui joue sur mobile, si je veux jouer avec mon ami qui joue sur Xbox, tout le monde peut jouer ensemble et... Système de chat. Nintendo a enfin un jeu avec un système de chat in-game que tu fais juste brancher des écouteurs puis des micros, puis c'est fait. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Fait que puis toute la progression est partagée. Ça veut dire que day one, tu installes Fortnite sur ta Switch. Si t'as joué avant, ben t'as toutes tes choses que t'avais déjà là, puis tu continues ton affaire. Le gros party pooper là-dedans, c'est qui? C'est Sony qui, eux, veulent pas. Donc si t'as joué à Fortnite sur PS4, malheureusement, tu peux pas apporter tout ça avec toi sur Switch. La raison de Sony, c'est que on veut pas avoir des interférences des autres consoles et tout. Ouais. Alors que la vraie raison, c'est que tu peux, dans le fond, acheter du contenu ailleurs puis l'amener chez eux. Puis eux, ils veulent qu'ils t'achètent le contenu chez eux. C'est greedy à maudit. L'argent. C'est vraiment épouvantable. Donc ça, c'est une mentalité qu'on espère que avec des expériences comme ça, que maintenant que Nintendo joint le bal, je pense que là, ça commence à un peu mettre la pression à Sony de s'ouvrir. Mais ça a l'air que les shareholders, je sais pas trop quoi, ça a baissé. Ah non, chez Sony, sûr, à cause de cette annonce-là. C'est très party pooper, puis c'est comme se bouder un peu le phénomène de l'or, donc il faut faire vraiment attention. Là, évidemment, la version Switch n'est pas parfaite, là, on va se le dire tout de suite. Là. Visuellement, c'est hyper bien optimisé, le style artistique, tout est là, tout est parfait. Mais évidemment, si on compare directement avec une version, mettons, Xbox One X, ouais, là, c'est pas le même jeu, là, on le voit tout de suite. Par contre, évidemment, c'est en portable. C'est toujours le fun de pouvoir jouer sa balle. On se le cachera pas. Ouais. C'est, ça marche. C'est à ça que ça sert, ouais, la Switch. C'est rendu que je l'amène plus loin qu'à la toilette. Je pars dehors. Je vais même acheter un case protecteur. Ouais, puis je l'amène dans mon pack-sac puis je vais jouer au parc pour sortir de ma prison. Oui, surtout qu'il y en a plus qu'avant qui sortent leur Switch en public. Ouais, ouais, genre, moi, avant, j'étais comme inquiet. J'étais comme, je suis pas sûr que je vais sortir ça. C'est un peu. Je sais pas. Mais je vois plein de monde pas gêné de l'affaire. L'autre fois, j'étais dans le métro, je la sors puis il y a un autre dude qui sort sa Switch. Puis on s'est regardé, on s'est fait un sourire. Oh, comme le monde qui ont des motos. Oui! Exactement. Bref, là, en plus, vous ça, vous endrez. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on compare le frame rate, les graphiques, bon, toutes ces affaires-là, c'est un peu watered down, mais c'est pas grave parce que le cœur est là. Ouais, après ça, c'est le cœur qui est important. La seule affaire que moi j'aime un peu moins, c'est évidemment les contrôles avec le Joy-Con. C'est tout petit. T'sais, moi, je suis habitué à des first-person shooters sur console. Ouais, il y a une manette pour ça. Il y a une manette pour ça, pour jouer dans le salon, évidemment. En mode portable, c'est un peu plus difficile, mais on s'habitue quand même assez vite. J'ai vu un post aujourd'hui qui disait que si tu voulais jouer pro avec une Switch, il faut vraiment que tu détaches les deux Joy-Con puis que tu joues de cette façon-là. Ouais, écoute, ça, c'est des trucs de là... sorcières, là, moi. Ah, t'en as pas de Switch, toi? Hein? Ben oui, j'ai une Switch. Ah, ben oui, je t'arrête de te parler d'un jeu de Switch. Ah, ben oui. Non, mais t'aurais pu l'empereur. Ah, ben, tu parles jamais. Ben, je sais bien, j'en parle jamais. Mais je fais moi j'ai ça des nouvelles affaires là. Ça fait, j'ai parlé de Sega dans les trois derniers mois là. Faut que je switch un peu. C'est vrai. Switch, hein? Excuse, continue. Bon, c'est bon, ça. OK. Fait que, bref, la seule affaire, le petit bémol, ben là, c'est un bémol qui est un peu standard à tous les jeux Switch qui sont comme en 3D puis bien performants, c'est que ça bouffe ta batterie quand même assez vite. Fait que je te dis, là, tu vas jouer peut-être une heure puis rendant ta deuxième heure, surveille tes batteries avant d'embarquer dans une game puis d'essayer de gagner. Online en plus. Again, tu peux jouer sa balle. Fait que tu sais, c'est gros plus. Faut choisir ses combats. Donc, et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir là, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, évidemment, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que tout le cosmétique et les affaires le fun sont derrière un paywall, mais c'est pas grave, tu peux jouer quand même. Il y a juste une map dans le jeu, mais c'est pas grave parce que c'est grand, puis il y a tout le temps des joueurs, puis c'est toujours le fun. Il faut aussi, bien important, si tu connaissais pas Fortnite, les développeurs supportent énormément le jeu. Dernièrement, pour la sortie d'Avengers, il y avait même un mode de jeu spécial qui est resté là deux semaines avec Thanos. Tu ramassais l'Infinity Gauntlet puis tu pétais du monde avec ça. Wow. Ça, sérieusement, c'était extrêmement le fun. Wow. J'aurais aimé ça que ça soit sur Switch, mais bon, c'est pas grave. Bref, Fortnite, c'est vraiment un must-play pour les fans de Nintendo Switch. OK? Ouf. Premièrement, c'est gratis. Il y a aucune raison là, que c'est même pas gros à downloader. Fait que tu sais, c'est comme. Ouais, il n'y a pas de raison que tu l'essayes pas. On va le télécharger. Deuxio. Oui. Pour une fois que Nintendo vogue sur la vague de l'heure avec tout le monde. Ouais. Encouragez ça, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Parce que c'est gratuit, tu le télécharges. Trois. Il faut montrer aux devs que ça vaut la peine d'investir sur la Switch. Ouais. Il y a beaucoup de gens, là, Call of Duty n'est pas sur la Switch, Battlefield sera pas sur la Switch et tout, mais il y a des gens qui prennent le temps d'investir là-dedans, puis il faut leur montrer que hey, y a de l'intérêt. Si tu veux que ta Switch soit bonne et soit forte, vas-y, télécharge-le, c'est gratis, tu vas leur montrer qu'il y a de l'intérêt pour ça. Yes. Et quatre, il faut qu'on enlève les barrières entre les consoles. C'est très important. Montrer à Sony genre que c'est des vieux grincheux puis que crème, quand t'achètes un jeu, tu devrais pouvoir le jouer avec tout le monde puis d'arrêter de se dire qu'on est là pour vendre des marines. On est là pour jouer. C'est très important. Alors, bref, si ta Switch a accès à du Wi-Fi, ce qui devrait être le cas en 2018, tu devrais prendre le temps d'aller télécharger ce jeu-là et l'essayer. C'est un excellent jeu. C'est pas du tout une version watered down. T'as l'expérience complète de Fortnite. Il n'y a aucune gêne à te dire que je joue à Fortnite sur Switch. C'est le même jeu. Puis au pire, tu le pogneras sur PC après. Hey, je vais juste dire une petite stat vraiment intéressante que je voulais pas oublier. 2 millions de downloads en 24 heures ben sur oui. Switch. C'est ça. Puis il y en a plus encore des Switch. Il faut tout le downloader. C'est mon gars, pareil. Hein? Écoute, les stats de ce jeu-là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le meilleur 0$ que tu vas investir sur ta Switch. Ouais. Et pour toutes ces raisons, je lui accorde un 8.5 sur 10. Très bon. Qui, soit dit en passant, ça donne que c'est la même note que Nick avait donnée. Oui, c'est vrai. À la version co-op. Allez, on est raccord en tabarnak. On est raccord. Tout voilà. Dans tout. Yes. Je vais te la trouver, ça. Yes. Donc voilà, téléchargez, essayez au moins, amusez-vous. Puis si vous n'aimez pas ça, au moins vous l'aurez fait. 1.6 gig, pas ça quand t'es couché. Ah, c'est pas gros. Hey, 1.6 gig, t'es sérieux, man? Un film sur Netflix, c'est plus gros, c'est plus lourd que ça. C'est bien plus lourd, là. Fait que Jean-François, toi, t'es dans les boîtes présentement. Je suis dans les boîtes et la seule fois qu'il reste, je pense, dans mon condo, c'est mon VR. Fait que je vais mettre la bannière une dernière fois ici pendant qu'on est. Je me suis perdu deux fois dans le VR cette semaine. Ou la seule chose qui reste dans ton appart, c'est du carton. Du carton, parce que je vous parle de carton. D'un jeu de boîte de carton. Eh oui, je vous parle de. J'avais fait une joke, on dirait que ça n'a pas marché. Je l'avais pas saisi parce que je suis vraiment dans les boîtes. Ben, c'est ça. Mais j'ai même pas compris ce paquet. Moi non plus, je suis fatigué. On te mérite pas. La sauce, tu prends ça trop sérieux. On te mérite pas. Écoute les conneries qu'on dit. Mais bon, le jeu ce soir, Cartong Death by Cardboard, qui est développé et publié par SVR Vive Studios. Eux autres ont travaillé avant ça sur le jeu SVR Vive de Deuce Elix, qui est un genre de jeu d'exploration Escape Room qui était vraiment très bon. Et c'est disponible sur HTC Vive, Oculus Rift, PSVR et Steam parce que c'est disponible également en format non-VR pour ceux qui voudraient jouer avec une manette. Ah ouais, OK. Pour ceux qui n'aiment pas la vie. Donc, ce jeu-là, c'est un dungeon crawler procédural un peu à la Binding of Isaac, là, dans le fond. Le même concept vraiment général de base. Et puis, c'est un beau mélange des genres, ça. C'est un mélange entre un puzzle, un jeu de labyrinthe, jeu d'horreur et un jeu stealth FPS, là. Donc là-dedans, sacrément. Je vous explique pourquoi on se retrouve dans un labyrinthe fait de carton. Et puis on a la terre à peu près d'un cochon d'Inde. Donc on va se ramasser dans un labyrinthe avec des objets qui sont plus grands que nature. Parce que on est vraiment à la taille d'un jouet là-dedans. Et puis on va devoir trouver dans chaque tableau un engrenage qui va nous permettre d'ouvrir la porte de sortie du labyrinthe. Tout ça en évitant les ennemis ou en les attaquant, c'est selon ce que ça vous tente de faire. Les ennemis sont des jouets démoniaques, comme on peut voir un peu... C'est très creepy, très bizarre tout ça. Premièrement, parlons du look. Le look est très très beau. On sent vraiment, c'est bizarre à dire, mais on sent le feel carton là. Je trouvais ça laid, moi, mais non, c'est vraiment super beau. Peut-être que ça rend pas justice à ce qu'on voit en ce moment là, mais dans le jeu, tu fais comme, ok, ce mur-là a vraiment l'air d'être fait en gros carton derrière moi. Puis, ouais. Dans le fond, Jeff, il jouait puis il s'est enfargé dans ses boîtes de carton puis t'es comme, ah, Lynn, ça brise la quatrième dimension. L'immersion est totale ici. Ouais, fait que le fait que ce soit des monstres de genre jeu d'enfant, ça rend vraiment ça un autre niveau de creepiness là, par-dessus. Comme je dis, l'influence Binding of Isaac, on voit là, devant nous le genre de poupée, ça ressemble un peu à Isaac en fait. Ouais. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir jouer vraiment stealth, furtif, parce que nos armes sont très très limitées là-dedans. On n'a pas beaucoup et puis les ennemis sont vraiment puissants. Donc c'est un one ou two shot puis t'es mort avec un ennemi. Donc utilisez vos armes intelligemment. L'arme principale qu'on va avoir va être l'arbalète qu'on a pu voir là, avec laquelle on va pouvoir tirer toutes sortes d'affaires. On va pouvoir tirer des aiguilles, des genres de petits pétards, et également des allumettes. On l'a vu tantôt un peu. La particularité de l'allumette, c'est que si tu trouves une boîte de carton, tu peux allumer ton allumette dessus en le frottant. Comme une vraie allumette, donc tu vas avoir une arbalète en feu. Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, ouais, pas de carton, mais une boîte d'allumettes vraiment là. Fait que ça, c'est bien, c'est une belle twist. Il y a plusieurs coffres à ouvrir à l'intérieur des tableaux. Et évidemment, un peu comme Binding of Isaac, les coffres vont pouvoir vous aider ou vous nuire. Donc, on va soit pogner des systèmes qui vont nous donner des power-ups ou de nouvelles armes, ou soit vous péter dans la face ou partir une sirène qui va attirer tous les ennemis vers vous. Donc, à vos risques et périls d'ouvrir les boîtes là-dedans. Je suis pas là-dedans. Fan de ça, moi. Ben, c'est vraiment... C'est une façon de voir, tu sais, si non, tu peux examiner en fait, le coffre. Il y a un type de coffre qu'il faut trouver un engrenage qui est en or, que lui va te garantir d'avoir une item qui va être... OK, ça, c'est moins, c'est pas bon. Sauf que si tu fais ça, tu gaspilles ton engrenage pour sortir, fait que c'est une item balancé. Est-ce que je veux-tu vraiment tout buter les monstres? Je veux juste sortir tout de suite? Tu sais, ça aurait été en VR de pouvoir, comme, tu sais, te rapprocher du coffre, puis regarder en arrière, puis chercher comme faire, de voir l'examiner un peu. On va se déplacer là-dedans, soit en téléportation ou en locomotion libre. Quand on est en téléportation, on peut, quand on prend notre temps... Qu'est-ce qu'il y a, Dom? Il y a Fortnite Pro 2689. Tu es français? qui nous parle... Ah, c'est un Spanish. On le salue. On le salue, monsieur. On a tiré avec Fortnite, probablement. Hola, señor. Mais donc, comme je dis, la téléportation, si on prend notre temps, on va être stealth. Si on va vite, on va faire du bruit. Donc, on va alerter les ennemis. Chaque partie a un maximum de 20 niveaux pour réussir. C'est une belle variété d'environnement. Plus on descend dans les niveaux, plus c'est varié. Au début, c'est genre une ville. Là, on voit, on est dans des genres de cartes là, à jouer. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Y'a-tu un niveau fait avec des cartes de fête crissement poche de pharmacie? Peut-être, on peut juste... Des dessins d'enfants. Des jokes vraiment plates. Ça là, se pourrait, le pays. Je me suis pas rendu jusqu'à la fin encore. Je me suis rendu peut-être au niveau 10. Ça semble que ça serait terrorisant. Là. Mais c'est... Ah, tout est terrorisant là-dedans. Puis entre chaque tableau, il y a un genre de gros iPhone collé sur le mur avec un YouTuber qui explique c'est quoi Carton. Un YouTuber. Puis, mais non, mais c'est ça parce que dans un le fond... Un influenceur, voilà. Il y a une histoire là de ça, puis c'est que, dans le fond, Carton, c'est un kit de carton à la Nintendo Labo que les YouTubers vont acheter, vont construire le labyrinthe, puis il y a un procédé qui explique pas comment, qui sont capables de réduire des gens puis les mettre dans le labyrinthe, puis qu'il faut que les gens essaient de survivre sans mourir. C'est bon. Tabarnak. Fait que c'est vraiment comme... C'est très, très drôle à avoir allé. C'est très bien. Bon, vu que c'est procédural, t'as un numéro de seed au début, fait qu'il y a un leaderboard, si tu veux challenger tes amis, tu prends le numéro de seed, tu leur envoies le numéro de ton tableau, fait qu'ils peuvent essayer de faire exactement le même level que toi. Le gameplay se répète un petit peu, mais c'est tellement dark, puis weird, puis tellement imaginatif que ben ça passe quand même, là. C'est vraiment très bon. Et puis, ils ont sorti d'ailleurs quelque chose, il y a un bon support là-dessus qui s'appelle Carton Collabs. Ils invitent des streamers puis des YouTubers à designer des levels avec eux autres, puis ils vont les sortir sporadiquement. Donc, il va y avoir plusieurs contenus qui vont s'en venir pour ce jeu-là. Fait qu'une belle variété de tableaux qui sont à venir. Nice. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Comme là, on voit que j'ai fini un tableau, puis tu reçois plein de confettis d'en face, c'est plaisant. Ah, des confettis de Dieu comme notre hublot. Et voilà. Mais pour toutes ces raisons, je lui donne un 8 sur 10 à ce jeu-là. C'est vraiment cool. Très, nice. Très bon. Pour vrai, essayer ça. Puis, fun fact sur ce jeu-là, quand ils ont fini le jeu Survive, SVR Vive de Deus Ex, ils ont fait un game jam pour faire comme... OK, on a fini de travailler vraiment fort sur notre premier jeu VR, faisons un game jam de 3 jours, puis on va essayer de juste se vider la tête, faire des trucs. Puis ils sont sortis avec Carton, finalement, de ça. Puis on se dit, bon, ben, cette idée-là est tellement bonne que ce sera notre prochain jeu VR. Rentabiliser un game jam. Ouais, SVR Vive, une compagnie à surveiller pour le VR. Hey, question, Jeff, unrelated. Il y a quelqu'un au travail qui vend un kit PS4 VR. Ouais. Genre à peu près 100$ moins cher que le retail parce qu'il l'a pas aimé. OK. Ça vaut-tu la peine? Moi, je pense que oui. Ouais, OK. Ouais. En fait, je suis en train de considérer de m'en acheter un. C'est pour revendre ça ou c'est pour passer? profit potentiel de 20$. PSVR, yes. C'est un bon VR de salon pour les jeux. VR de pauvre. Non, mais un VR assis, que tu sais, c'est plus des histoires que tu n'as pas tant à te bouger et à te déplacer en fou en 360. Il y a beaucoup d'exclusifs qui sont vraiment intéressants aussi. Bon. PlayStation, puis Transference qui s'en vient, puis toutes sortes d'affaires là, qui ont été annoncées. Pas dans les conférences du E3, là, souvent dans le plancher. Là. Bizarrement. Dans Ruelle, en arrière. Dans Ruelle, un gars louche qui est comme moi. C'est bon, ça. C'était ma question. Mais non, ça vaut la peine pour vrai. Il y a des je partage tes connaissances avec les gens. Je voulais pas te le demander hors angle. Mais c'est bien. Va me faire shifter sur cette vente-là, tabarnak. Surveille-les. Et voilà. Ça vient. C'était Carton. All right. Fait que sur ça, je vais y aller avec ma critique. Moi, je vais vous parler de Just Shapes and Beats. Développé par Berserk Studio, publié par eux aussi. C'est disponible sur Switch et PC. Hey. J'y ai joué sur Switch. Et puis, Berserk Studio, c'est un studio québécois. Ah oui? Moi, Québec, hostie! Québec, hostie! Pays! Saint-Jean! Puis je m'attends... je m'attendais pas pantoute à ce que ce soit un jeu qui soit développé au Québec. Moi, j'ai joué naïvement, sans penser quoi que ce soit de qui que ce soit. Et puis... J'ai été agréablement surpris. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là, en fait? C'est comme si on mélange un shmup avec un jeu de rythme. Oh. Puis ça donne vraiment un mélange que j'avais pas vu auparavant parce que c'est un shmup, en fait, dans la mesure où t'es comme une espèce de vaisseau qui mais se promène dans pas. Le ciel, mais tu tires pas. C'est ça. Tu évites le bullet hell qui est devant toi. Il y a énormément de choses qui se passent à l'écran. Puis toi, tu dois juste éviter ces choses-là et... tu dois, dans le fond... Faut que t'évites tout ce qui est rose dans l'écran, ce que j'avais lu. T'évites tout ce qui est rose opaque, puis dans le fond, il faut juste que tu survives. Puis t'as une jauge qui est en haut. Ça t'indique justement le temps dans le niveau. Puis tu dois te rendre jusqu'à la fin de ce niveau-là. Tu vas avoir aussi des checkpoints dans ces niveaux-là, puisque c'est un jeu qui est extrêmement difficile. Dans le fond, tu commences, là, t'es juste un petit carré, toi, là-dedans. Puis tu vas te promener, puis en fait, à l'écran, les formes qu'on voit qui sont là suivent exactement la musique. La musique, c'est vraiment... c'est assez varié. C'est de la musique électro. Il y a du dubstep, c'est inévitable, mais il y a aussi d'autres styles de musique. Je voulais juste mentionner, sur RDS, c'est pas moi qui en a fait la promotion, ouais. Qui a fait un... Mais il y a une vidéo, je pense que c'est Antonin Besnard, c'est ça? Oui, il y a des grosses chances. Il a fait un topo, il a rencontré le créateur de ce jeu-là. Okay. Puis le créateur, il explique toute la patente, puis de où vient la musique. C'est comme un flash qu'il y a eu un moment donné en écoutant un certain disque, là, je sais pas quoi. Super intéressant. Donc, allez voir sur RDS Just Shapes and Beats. Vous allez avoir un très gros background là, de tout ce que c'est. Parce que la recherche musicale, elle est vraiment intéressante parce que c'est évidemment, c'est la musique qui fait le jeu, puis c'est très, très, très, très varié. Ce qui fait que si t'aimes pas une track, ben au final, tu vas probablement l'aimer à cause du niveau. Puis de toute façon, t'as pas le temps de te tanner parce que c'est des niveaux de, t'sais, de disons 2 minutes à 5 minutes. 5 minutes gros maximum. Parce que 5 minutes, c'est rare, mais je pense qu'il me semble que c'est arrivé une ou deux fois. Mais bref, ce jeu-là, en fait, il est hyper impactant. Quand tu joues à Switch vraiment proche du visage, puis que tu as ces beats-là vraiment tête des oreilles, c'est vraiment le fun. Puis les shapes, les formes qui peuplent ce monde-là vont aller de toutes sortes de façons. Des fois, c'est juste des rectangles puis des triangles d'attitude. Puis après ça, tu te rends compte que c'est en train de te raconter une espèce d'histoire. Il y a un petit narratif quand même derrière ça qui est bien intéressant, qui est quand même en surface. C'est pas une histoire deep, là. Je veux dire, c'est pas... C'est pas ça le but ici. Non, c'est ça. C'est pas Lord of the Rings. mais c'est ça. Ce jeu-là, en fait, il gagne par sa simplicité. Puis tu vas te rendre compte qu'en le regardant, que ça a l'air d'être vraiment simple et naïf, alors que c'est vraiment un jeu qui est difficile. Le défi est vraiment intense. Malgré ça, le développeur a décidé de mettre aussi un mode où tu peux seulement apprécier la musique puis jouer puis pas mourir aussi facilement. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, en fait, ton carré, quand tu te fais rentrer dedans, il se détériore. Puis dépendant d'où est-ce que t'es puis comment tu te fais frapper, t'as environ, disons, peut-être 4 coups puis t'es mort. OK. Quand tu meurs, ce qui est le fun, ce que je trouve bien intéressant, c'est que ça va faire... Tu vas devoir écraser. Au bout de 3 essais, ton morceau, il se détériore. Puis après ça, c'est écrit « It's over ». Puis là, si tu pèses sur ton bouton, il se reconnecte. Puis c'est écrit « It's not over ». Puis là, ça recommence. C'est vraiment hot. Fait que c'est ça. Puis il y a des boss aussi là-dedans qui vont être vraiment cool. Des boss qui vont vraiment prendre tout l'écran. Ouais. Moi, étant un gros fan de shmup et étant un gros fan de jeux de musique comme ça, ça m'a vraiment charmé ce jeu-là de A à Z. J'ai pas arrêté de jouer. J'ai passé énormément de temps sur ce jeu-là. Tout simplement parce que c'est juste cool. Puis les parties sont vraiment rapides. Puis les tableaux, tu sais, à toutes les fois que tu manques ton coup, tu sais, encore une fois, tu sais que c'est pas vraiment. C'est pas de la faute du jeu, là. C'est toi qui as foiré. Puis t'es capable, comme d'un meilleur shmup au monde, d'apprendre des patterns puis de découvrir comment qu'il faut que tu fasses. C'est ça que je voulais savoir. Mettons, tu meurs, tu recommences ton niveau. Est-ce que tout arrive exactement à la même place? Oui. Tu sais, mettons, les shmups, les bullet hell, c'est de la mémorisation. Exact, c'est la même chose, là. OK. C'est pas genre, un moment donné, il arrive à gauche, puis là, tu meurs, puis là, après ça, il va arriver à droite. Non. Okay, okay. C'est vraiment pas aléatoire. À moins que je me trompe pour certains niveaux, là, mais la grande majorité du temps, moi, tous les niveaux que j'ai faits, puis je suis rendu à la fin, c'était pas mal tout le temps des patterns, ce qui m'a permis justement de réussir à passer, parce que sinon, ça marcherait pas. T'sais. C'est moi, ça serait hâte de jouer. Là c'est un peu left field mon affaire, mais crème, je regarde ça et je me dis, il me semble sur un iPad Pro avec le crayon, ça serait le fun. Oui, ça serait cool, mais ça serait beaucoup plus facile. En version advanced, ben oui, mais tu fais une version intense du même gameplay. Parce qu'une affaire, tu me rappelles, j'ai oublié de dire, ce qui est important à savoir, c'est que comme dans les jeux, mettons comme Geometry Wars ou des trucs comme ça, t'as un dash aussi. Ouais. Puis ton dash, il est indispensable. Parce que des fois, justement, tu fais passer au travers des choses. C'est ça, tu peux passer au travers. Puis ton dash, tu sais, t'as de la régénération si tu t'es fait frapper dedans. Mais sinon, ton dash, tu peux quand même t'en servir assez souvent. Fait que tu sais, il donne les outils pour réussir, mais après ça, c'est toi qu'il faut vraiment qu'il soit là, très très tight dans ton jeu. Il offre aussi d'autres modes. Il y a un mode défi, il y a aussi un mode où tu peux jouer à 2, à 3, à 4. Ah ouais. Ce qui est vraiment le fun. C'est vraiment genre cool de survival, jouer à... quoi. Ouais. Ah, c'est vraiment le fun de jouer à plusieurs. Tu sais, toutes les shapes ont une couleur et une forme différentes. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, ce qui fait que je préférerais peut-être la version Switch, c'est que c'est un jeu dans lequel j'étais meilleur quand j'étais plus proche de l'écran. Parce que justement, ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble. Tu restes concentré dedans. Exact. Tu peux jouer ça à bol. Ben, tu peux jouer ça à bol. Puis j'ai trouvé un petit bug dans le jeu qu'on peut bypasser. Puis le développeur est en train de travailler sur un patch là-dessus. Il est peut-être même déjà sorti au moment de la critique. En fait, sur Switch, des fois, il y a un pattern dans un niveau qui fait que tu peux juste pas réussir, tu meurs tout le temps. Finalement, c'était le jeu version française qui faisait ça. Quand tu le mettais en anglais, tout était correct. Le développeur est au courant, est en train de travailler là-dessus. Ça faut des Anglais, ça. Ouais. C'est la Saint-Jean, c'est Québec. Un pays. Un pays. mais c'est ça. Mais malgré ça, j'ai vraiment, vraiment adoré ce jeu-là. C'est un de mes meilleurs jeux de l'année, pour vrai. Là, ouais, t'sais, comme, à côté de God of War, là, je suis pas retourné à God of War depuis que j'ai Just Shapes and Beats. Fait que c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Je lui donne un 9.5 sur 10. Yes. Wow! Sérieusement, là, à part le petit bug que j'ai eu, puis peut-être le fait qu'il y a quand même un peu beaucoup de loading pour ce que c'est vraiment excellent ce jeu-là, puis il donne tout ce qu'il faut. Tous les modes sont là. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait offrir de plus, ben franchement. La preuve que c'est pas tout le visuel qui fait le gameplay. Ouais. Puis, en tout cas, si vous nous écoutez, Berserk Studio, premièrement, bravo, c'est un fucking amazing game, c'était écœurant. Puis aussi, sortez du DLC, sortez d'automne, parce que ce jeu-là, il va tellement avoir une durée de vie là, à l'infini. On pourrait savoir le thème de Rétro Nouveau dans un des tableaux. Ouais. Ah, ça serait malade. DLC Blind Melon, comment on dit ça? Si DLC Blind Melon. C'est ça. Puis No Rain, là. Ouais. Mais change aussi. Puis si jamais ça peut aider à mousser les ventes du jeu, je viens de recevoir une notification de la presse mobile qui dit que le projet de loi sur le cannabis est approuvé par le Sénat. Hein? Voilà. On va s'enfumer des gros wings. J'ai des gens battés qui jouent avec des couleurs et des on formes. On va être battés. Ouais, attends, regardez. Excusez-moi, messieurs. C'est ça, du direct. C'est, bravo Québec aussi, justement. Tu sais, scène indépendante, vraiment le fun. Il y a The Messenger aussi qui va sortir de Sabotage qui vient de Québec. J'ai une érection. Tu viens de dire le mot. Continue. Hein. Ah ouais, je continue. Ah ouais. Elle est là. C'est mon seul réconfort dans ma prison. Cette douleur. Il tient le pocheton. Ces pantalons-là sont serrés pour une bonne raison. On ne faut pas abandonner. D'ailleurs, Élie a communiqué avec les gens de Messenger, de Sabotage Studio. Oui. Et puis, on voudrait essayer de faire un genre de petit lancement chez Arcane Montréal, soirée Ninja Gaiden, Ninja at large, là, cool. Avec comme on avait fait pour Old Time Hockey, mais The Messenger, c'était une belle soirée. Une de mes plus belles soirées au bar, sérieux, là, c'était un méchant party. Fait que voilà, ça serait cool. Mais hein. Fait qu'on fait des questions du public? Oui! On va mettre le thème des questions du public. C'est-tu moi qui ai dit en lisant? Ouais, allons-y là, puis... Allons-y, on y va! À la bonne franquette. On bat, let's go! Pas sûr du contrôle sur PC. Avec la souris, il y a Julien 1481 qui dit ça. Ça doit être cool avec la souris. Ça va être avec la souris, il me semble, ça doit être popé, mais sérieusement, avec des joysticks, ça va vraiment bien. Là, je fais du consulting. Bon, je fais du consulting de game design gratis, mais sérieusement, sur iPad Pro avec STC. Ouais. Tu sais, tu veux faire ton dash, là, tu double tap, puis ton vaisseau te téléporte sur ton dash. Je te dis, là, ce jeu-là, je regarde ça, puis c'est comme Chris, ça serait vraiment l'enfer du crayon. Sur Nintendo Switch, tu peux jouer justement. Est-ce qu'on peut ça? Jouer en touch? Peut-être, je sais même pas. Là, tu m'apprends ça. Appelez-nous, Berserk. Plein d'idées. Plein d'idées. Première question de Jean-Michel Racine. 100 piastres à l'heure. Pensez-vous que l'ère de la 3DS est terminée? Est-ce que Nintendo va continuer à supporter la console encore longtemps? Ouais, c'est pas clair, ça. C'est pas clair. Alors, toi, cette année. De la 3DS. Moi, j'y donne encore 3 ans, la 3DS. 3 ans, Savez-vous... 3 ans. Savez-vous... 3 ans. Savez-vous que la Wii va avoir un port de Just Dance 2019 qui s'en vient? Hey, c'est fou. Ceux qui font des full sets de Switch vont devoir acheter un Just Dance. Mais ça de Wii, tu veux dire? Ouais, sur la Wii, pas la Wii U, là. Ouais, non, c'est parce que t'as dit de Switch après. C'est pour ça. Ah, excusez. Switch is on your mind. Ouais. mais oui, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'elle a 3 ans encore, la 3DS. Il y a des jeux, il y a des jeux qui sortent encore. Nintendo arrête pas d'annoncer quand même des nouvelles affaires. Le support est encore là. Puis au Japon, c'est hyper populaire encore, la 3DS. C'est très populaire, mais l'affaire, je pense, c'est que même Nintendo, on le voit à l'E3, je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils se compétitionnent un peu eux-mêmes. Là. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est comme, tu fais de la course de chevaux, puis tu mets ces deux premiers chevaux. Tu sais, moi, je joue à des jeux présentement qui sont disponibles aussi sur 3DS. Ouais. Encore Alice, man. Ouais. Je joue sur Switch, là. Exact. Je vais l'acheter sur 3DS. Non, c'est un choix entre les deux, c'est sûr que. C'est ça, c'est un non-sens. Moi, je fermerais ça, là, sérieux. Mais tu sais, je pense qu'ils vont vont continuer quand même de l'entretenir dans le sens que peut-être un jeu par-ci par-là, mais vraiment, puis laisser la chance à d'autres développeurs de. Parce que tu sais, quand tu sors un jeu sur la Virtual Console là, ou sur leur store, là, je veux dire, Nintendo, ça leur coûte à rien, puis ils font du cash. Il n'y a pas de raison d'enlever ce revenu-là. Exact. Non, c'est sûr. C'est fait que tu sais, ils vont les laisser faire pendant un petit bout de temps, mais tu sais, je pense pas que Nintendo va continuer d'injecter beaucoup de support là-dessus de leur côté. Je pense pas qu'ils vont le pousser tant que ça. Non, c'est ça. Je pense que leur monnaie, ça switch. Ben c'est le moment où ils vont finir par sortir les jeux 3DS sur Switch. Ça va faire mal. Mais d'après moi, c'est là que ça va annoncer la fin de la console. Moi, je suis all-in sur... Parce que Metroid, il est Azure, pas sorti. Azure Gunvolt, présentement. C'est des jeux de 3DS, ça. Là. Metroid sur ma télé, HD, là, c'est flou, là, tu sais. Metroid... Mais je m'en calisse, c'est tellement le fun de jouer sur Switch, là, tu sais. Metroid HD. Bon, Patrick Aubry nous demande, que pensez-vous de la stratégie douteuse de Microsoft concernant l'annonce d'une prochaine console dans un avenir très proche alors que la X est sur le marché depuis seulement novembre 2017? Ben, douteuse. Je sais pas, moi, c'est drôle. Cette partie-là, les gens ont comme compris ça qu'ils annonçaient une nouvelle console. Hey, ils l'ont dit rapide en tabarnak. C'est ça. Alors que tout le monde travaille toujours sur du nouveau hardware, c'est pas une question, je pense. C'était pas une annonce d'une nouvelle console plus que de dire « Hey, regardez, guys, on est ici aujourd'hui, on présente tout ce qu'on a là, mais l'avenir aussi s'en vient, tu sais. » Puis Sony en parle tout le temps. Sony, la PS5, ça fait 2 ans qu'ils en parlent, tu sais, puis ils n'ont pas annoncé rien, mais ils en parlent tout le temps librement que bien... Oui, il y a des architectes qui travaillent. On s'en va-tu vers montrer que c'est pour tout le temps, c'est tout le temps en développement. Ils vont aller vers la fin d'une génération de consoles en disant comme, ben, on va juste sortir des Xbox à tous les 2 ans, mettons, up-to-date avec les plus gros PC, puis... Si vous en voulez acheter, ben, moi je serais à l'aise avec ça parce que honnêtement, je trouve que la Xbox One X, c'est vraiment une des consoles que j'ai acheté, que j'ai été le plus satisfait dans le sens que j'étais comme Chris, j'ai acheté un upgrade puis tu sais, c'en est un. J'étais comme là, tout, je vais avoir tout là-dessus. J'ai pas besoin de regarder d'autres versions. C'est ça, c'est l'ultime, tu sais. Puis moi, si tu continues de me garantir que ça va être ça l'ultime, je vais être down avec ça. Il y a des gens qui upgrade leur PC pour 500$ par année, là, à toutes les années. C'est le même principe, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est intéressé. Puis tant que tu continues de supporter l'autre, puis tu as une version acceptable, puis tu as la version upgraded pour les princes comme nous autres. Question de Luc Arsenault. Ça m'intéresse aussi parce que je me suis pas vraiment renseigné. Pensez-vous que Nintendo va annoncer officiellement la 64 classique pour bientôt? Et si oui, Bruno, vas-tu t'en procurer une? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Ben, c'est sûrement... Ils ont déposé un brevet pour les manettes, en fait. C'est ça, écoute, Nintendo, après ça, t'as Super Nintendo, là, je veux dire... Hey, la boîte, elle va être grosse, Ça serait niaiseux de pas le faire, là. Ben, je suis pas mal certain qu'ils vont en faire. C'est la dernière qu'ils pourraient faire, à moins qu'ils fassent un Game Boy. Non, mais Game Boy Advance, ça va y aller, d'après moi, ils vont le faire. Ouais, je suis certain. Va donc, toi! Ben, tu sais, moi, je suis pas mal persuadé qu'ils vont le faire. Maintenant, ce que je serais curieux de voir, c'est... Moi, je l'achèterais, Chris. Ben, moi aussi. Parce que j'en ai pas de 64. Ça serait ma seule 64. Parce que qu'est-ce que c'est laid, une 64 sur une télé? Puis en HDMI, quand tu le branches en HDMI, c'est pas magnifique non plus. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il ferait une version comme... port standard et il ferait une version probablement HD ou quelque pas chose. Pas sûr qu'ils se casseraient le BC. Je suis pas mal sûr qu'ils vont vouloir parce que c'est pas flatteur pantoute du 64 sur une télé 1080p. Fait que tu sais, j'ose espérer qu'ils feraient ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Pas mal sûr que oui, parce que tu sais, ce serait comme dormir sur du profit potentiel. Bah c'est ça. Exact. Toi, Bruno, n'achèterais-tu une? Non. Bon. Moi, c'est sûr, je n'achète pas une. Moi, il y a 4 jeux j'aime là-dessus. Attends un peu, ok, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat, je voulais qu'on y réponde. J-Paradis 1977 dit, vous pensez quoi, excellente année en passant, vous pensez quoi des consoles émulateurs rétro à 40$ avec 2000 jeux, mon fil Facebook est saturé de ces publicités. C'est fatigant, ça. Ben en fait, c'est Vous autres, justement, là, les princes de la grise, vous pensez quoi de cette affaire-là? J'en pense la même affaire que la Nintendo Mini. Tu sais, je pense que c'est une alternative qui existait déjà, qui était le Raspberry Pi, que tout le monde a découvert avec un packaging Nintendo. Puis là, maintenant, évidemment, on repackage ces bidules-là avec des jeux installés dessus et tout. Premièrement, il faut savoir, c'est quand même pas légal, dans le sens où il n'y a aucun copyright qui est respecté là-dedans. Puis tu sais, même si c'est un jeu que le monde s'imagine, ben ouais, mais c'est sorti il y a 30 ans, là-dessus, c'est rendu, il n'y a plus de brevets. C'est comme, c'est pas des brevets, on appelle ça des licences. Puis c'est genre... Comme je te confirme que Mario Bros est encore sous licence de Nintendo. Ils préfèrent que tu les payes pour l'utiliser. Moi, je serais comme inquiet dans un sens que la y a certains jeux qui fonctionnent pas. C'est ça qui fait chier dans des affaires de même, tu sais. Mais c'est ton jeu là, c'est l'émulation pas garantie, c'est comme la maudite cassette des 260 jeux. Tout le temps ben au moins elle marche, tu sais. Elle marche, mais il y a pas 260 jeux là-dessus, tu sais. Il y a comme 60 jeux fonctionnels. Moi, ce que j'aime pas de ces affaires là, c'est qu'il faut que je m'en occupe, tu sais. Ouais. Je veux pas m'occuper de ça. Je veux pas mettre des jeux dedans, je veux pas enlever des jeux, je veux pas me rendre compte qu'un jeu il scrape, l'enlever, essayer de trouver un autre ROM, le mettre dedans, tu sais. Moi, j'aime ça les affaires built-in, fonctionnelles, simples. Ah parce oui, que je suis simplet, moi, dans la vie. Je suis pas très intelligent. T'es pas très technologique. Je suis pas le seul, je pense, sur la planète Terre. Non. Fait qu'il va tout le temps avoir un public là, pour les affaires simples. Ah oui, solution simple. JC Goyette nous demande « Sentez-vous une certaine redondance du look 8-bit rétro pour les jeux indie ou est-ce que le look NES a encore beaucoup de choses à montrer comme capacité graphique et artistique? » Oh my god. Artistique, oui. Moi, j'étais un peu écœuré de ce temps-là, personnellement. Là. Moi, j'ai eu une écœur en titre. Je trouve que c'est un peu facile, on dirait. Là, ça revient. Mais c'est pas si pire. Ouais. Ça dépend toujours. Parce qu'il y a des développeurs qui se cachent derrière ce look-là, j'ai l'impression. Au lieu de faire vraiment un bon jeu rétro, ils font. C'est un jeu avec un look rétro, checkez ça, non? Ah ouais. Ben, c'est pas capable de rien faire. C'est ça, tu sais. Sur mobile, il y en a beaucoup que c'est comme ça, que tu te fais avoir par le look rétro, puis là, tu y vas, puis c'est pas bien bon, tu sais, puis c'est vide. Ben, ça dépend, tu sais. C'est comme. Sur mobile, moi, sérieux. Mais tout dépend du gameplay. Tout le temps, tu peux avoir un petit beau look avec un jeu merde. Le gameplay, il est jamais vraiment inspiré par le rétro, tu sais. C'est ça. Tu sais, un bon exemple que je trouve, c'est que souvent, on package ça, on dirait, parce que, on fait un platformer, on va le faire en 8 bits, tu sais. Mais moi, ce que, tu sais. Un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était, en fait, c'est pas un jeu, c'est une série, c'est les Rayman qui sont revenus. Oui. Tu sais, puis c'est du 2D, mais c'est comme, hey Chris, on a de la technologie enfin pour en faire des beaux dessins. Fait que, tu sais, c'est comme, on investit pour faire justement un jeu qui est magnifique, tout dessiné à la main, avec un style un peu aquarelle, très, très BD, très cartoon européen. Ouais. Tu sais, ben c'est parfait ça. Ça fait avec Ubisoft, tout. C'est gros, là, mais je pense que la question, c'est. Ah, il y en a des plus indépendants qui le font aussi, là, tu sais. Manque de ressources peut-être pour faire des beaux dessins. Je sais pas, des fois c'est comme plus compliqué faire ça que de faire l'inverse, je te dirais. Là. Flash là, c'est assez versatile pour faire du sprite puis du 2D là. Ah ben là tu me l'apprends, vois-tu. Mais tu sais, je pense qu'on est là arrivé à un point de saturation pour ce genre-là parce que t'es plus original, tu sors plus du lot alors qu'à un certain moment quand il y avait quelqu'un qui sortait de quoi avec le look Game Boy ou avec le look NES. Tout de suite, c'était comme « Ah, si tu checkes ce jeu-là! » Ça se démarquait. Il y avait déjà une pub, ça se démarquait. Et là, maintenant, c'est une mer de jeux rétro. C'est quasiment un style, maintenant. C'est dommage. Moi, j'en fais ça me dérange plus. Ça me dérange plus. Au début, sérieux, parce que ça m'excitait tellement au début quand ça arrivait. Ouais, moi que là, avec. Un moment donné, j'ai fait comme bah, regarde, tu sais, ça peut pas tout m'exciter pour de vrai. Là. Ouais. Le caster, c'est comme. Je recherche pas ça, puis je suis pas comme dérangé par ça personnellement. Là. Mais tu sais, moi, j'aime le monde. Admettons, les développeurs, comme je pense c'est The Last Night, qui ont fait le look, tu sais, c'est le look rétro 8-bit, mais avec de la profondeur, des distorsions d'image, de la 3D là-dedans, tu sais. C'est le fun d'amener ça ailleurs, tu sais, comme, admettons, tu sais, 3D.Game Heroes, c'est ça aussi qu'ils ont fait. Les gars de Tribute, là, je veux dire, oui, Flip Hook, c'est pas fait pour ressembler à du NES, là. Exact. C'est du pixel art, c'est pas la même chose. Ouais, c'est plus ça, là. C'est plus poussé. Moi, c'est plus ça que je recherche, tu sais. Ouais. Du art, pas juste du 8-bit. Ouais, on aime pas les bits, on aime l'art. Simon Fréchette, Daou. Nous demande « Que pensez-vous du remake de Final Fantasy VII qui arrivera un jour? Êtes-vous allumé ou turné off? » Ça va être mon nouveau Death Stranding. C'est quoi le gag? Ça fait trop longtemps qu'il a... On dirait que le hype, il est comme « Yeah! » Imagine-toi, moi, j'ai jamais eu de hype pour ça. C'est genre, ça fait juste comme... J'ai juste lâché 4 ans que... Mais toi, Jeff, il me semble que c'est un de tes jeux préférés, ça, Final 7. Ça l'était à l'époque, mais j'ai pas tant d'intérêt de le revisiter, je te dirais. Okay. Attends, si c'est comme Resident Evil 2, c'est-tu j'ai intérêt? Là, c'est différent, ouais. Ouais, mais Resident Evil, on dirait que c'est un autre jeu. T'as-tu vu la démo? Oui, j'ai tout regardé, c'est malade. J'étais comme, Chris, c'est vraiment Resident Evil 2, mais moderne. J'étais comme, hey, j'ai tout hâte de jouer à ça. C'est vraiment... J'étais un peu déçu, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas 4 scénarios, il y en a juste 2. Ouais. J'étais comme, moi j'aimais bien ça, jouer Claire B. C'était mon préféré. Mais bon, mais ouais, je pense pas que ça... Moi, je pense que ça va arriver, mais tu sais, je te dirais que ça doit pas être... C'est comme un peu le projet, c'est un peu comme... C'est un peu comme le Metroid chez Nintendo. Ouais. Là, tu gardes ça dans Valve pour quand avoir la paix du monde qui te le demande, mais tu sais. Exact. C'est pas là que. C'est pas là que les investisseurs s'enflamment le plus. Non, c'est ça. Carré se donne des questions. Ben, il y en a d'autres, là. Pourquoi? Il y a quelqu'un... Notre segment achève, on peut faire des tours de table rapides. Moi, je voulais dire, il y a un truc qui est passé. Il y a quelqu'un qui disait, tu sais, est-ce que Sony va faire une console portable, tu sais? Ah non, ça arrive. Moi, je pense qu'il aurait annoncé le début de leur plan au E3 s'il y avait eu à en faire une. Je pense pas qu'il peut le faire avec des jeux d'aussi. Non, mais guys, ça fait... deux consoles portables qui font qu'ils floppent, là. Ah, portable, excuse. Pourquoi qu'ils en feraient une troisième? Je ferais quoi? Hey, les gars, on a une méchante annonce à vous faire. Ah non, c'est fini. On fait encore une portable. Ouais. Mais ça, c'était portable, c'était pas classique qu'il avait écrit, moi. Non, mais il y avait la rumeur d'une PS4 hybride, comme la Switch, qui était pas une mauvaise idée nécessairement. Puis mais... moi, je l'avais essayé, j'avais des jeux sur ma Vita. Guacamelee. Ouais. C'est ça, ça fonctionnait en remote. Ouais, moi aussi, c'était weird. C'était il fallait que tu sync ton affaire. Ah, ouais, mais en c'était désagréable. Mais non, Sony, le portable, c'est fini. Plus personne fait du portable. Non, c'est pas. Ça. En tout cas, du moins, quand tu t'es planté deux fois, ça donne rien de vraiment te retirer solide. Mais c'est parce que la Switch, c'est pas. Tu sais, c'est dur à ignorer aussi comme succès. Tu sais, déjà que. Microsoft, tu sais, ils ont montré très clairement dans leur conférence le fameux manette pluguée avec un mobile, tu sais. Mais ouais. Fait que j'ai comme l'impression, tu sais, qu'il y a peut-être quelque chose du genre qui va arriver. Le gros problème, on dirait, c'est que Sony comprenne pas à qui marketer du portable. Ouais. Nintendo, le portable marche bien parce que, tu sais, finalement, c'est comme la console que les papas donnent à leurs enfants pour avoir la paix pour pouvoir jouer sur la TV du salon. Puis les kids, ils ont leur console, c'est leur petite télé. Pas obligé d'acheter une télé HD avec une autre console séparée. Tu donnes ça, t'as la paix, tu fais du char, tu vas souper des amis. Le marché est là. Hey, c'est drôle, hein, aujourd'hui, ils ont fait un statement. Nintendo a fait un statement qu'ils étaient bien contents que Sony puis Microsoft se sacquent des enfants. Parce qu'ils disent, nous autres, on est vraiment contents, on les a, les enfants, puis on travaille là-dessus. C'est comme on Disney, a les corps, puis là, on a les casual, on a les enfants, on a tout le monde là. C'est ça. Mais présentement, Disney, ça n'a jamais été aussi huge que ça. Là. Ah ouais. Ils l'ont, là. Disney, ils ont tout ce marché-là, puis ils ont tous les autres brands d'après. Fait que les enfants, ils grandissent chez Disney. Ils ont toutes les touches. Ils commencent à toucher à Marvel, puis là, Manny, ils tombent dans le Marvel, puis dans le Star Wars, puis c'est tout cet argent-là qui revient aux mêmes personnes. Je pense qu'ils possèdent aussi une grosse compagnie de salon funéraire puis de cercueil pour être sûr qu'ils se rendent jusqu'à la fin de ta vie. Attends, tu sais, jusqu'à la dernière scène. On a encore du temps, Jeff, pour une question. Un genre d'une minute, à peu près. Une minute, une question d'une minute, Dom. Christian Canel nous demande, c'est une longue question quand même. J'ai la Switch aujourd'hui et j'ai très souvent joué sur la Vita à des jeux disponibles aussi sur PS4. Je me suis rendu compte que dans certains jeux de plateforme tels que Celeste, Rogue Legacy, Enter the Gungeon, Binding of Isaac, Shovel Knight, Super Meat Boy, j'ai des meilleurs résultats de jeu. Je suis plus précis. Ce n'est pas le cas avec des shooters ou des jeux d'action genre Horizon ou God of War. Est-ce votre cas? Croyez-vous qu'un écran plus petit, dont une vision globale plutôt qu'une 55 pouces, améliore la précision? Moi, je suis bien d'accord avec c'est ça que j'ai dit tantôt. La minute avec, que j'embarque sur ma TV James. Avec ma Switch, là, je suis comme, wow, attends, un peu, ça me redemande. Là, faut que t'as toute la vie familiale qui se place entre toi et la TV. Ouais, tous tes problèmes sont entre les deux. Ah oui, tu vois trop de marde autour. Tu vois des murs de ma prison. Non, mais pour vrai, je suis à moitié d'accord. Ça dépend vraiment des jeux. C'est juste de se pratiquer. Je pense que c'est vrai que c'est plus facile de se concentrer. Par contre, moi, il y a des jeux que je joue. Tu sais, vraiment, quand je fais du gros shooter online, je préfère vraiment jouer sur ma télé puis être loin. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça vient que ça m'épuise les yeux puis le regard. Parce que ça va tout le temps vite, t'es tout en train de bouger, t'es tout le temps en train. Tu sais, des fois, de pouvoir juste comme décrocher un peu du regard puis tu sais, même sans tourner les yeux, être capable de regarder quelque chose de fixe, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Moi, je préfère ça. Moi, quelque chose que je trouve tough en portable, surtout pour les plus vieilles affaires, c'est des shmups au sens que en pitonnant. Tu shakes ta console. Ah oui, ça shake en même temps. Tu floues le background. La DS, c'était la paix. Là. Quand tu commençais à avoir une DS avec le flapper slack, ça bougeait et tu voyais plus rien. Moi, je jouais à Street Fighter 4 sur 3DS, c'était l'enfer. C'était vraiment. Ah oui, 3DS, c'est la paix. 3DS, c'est la paix. T'as raison. Là. Le 3D, le flap. La new 3DS existe pour des gens comme nous qui sont des gamers qui poussent fort ces pitons. C'est ça. Parce que la 3D, ça replace. Ah oui. Fait que ça fait le tour. Yes. Aujourd'hui. Excellent. Alors, on est rendu à aller en pause, hein, je pense. On s'en va en pause, oui. Rendu au break. Petit déjà, break. Déjà, et voilà. Si on revient pour le deuxième et dernier bloc dans les studios actuels. Ben oui. Au pays. Québec. Pause! Québec. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. Ah! We're back! C'est à mon tour, tabarnak! Mais hein? Puis là, je vais vous parler de Bloodstained, Curse of the Night. Oh. Puis, man, je capote. Ça, c'est développé par NT Create. Puis là, publié par NT Create. Puis là, je me rends compte que tabarnak, NT Create joue à Gunvolt présentement. Ouais. C'est ma vie, NT Create. Ouais, c'est pas mal devenu ton meilleur développeur. Ah ouais, fond, man, là, c'est quand sérieux. Quand tu y penses. Puis ça, dans le fond, c'est disponible sur PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Switch et 3DS. Parce que c'est sur tout. Parce que dans le fond, ça, c'est le petit jeu. Ben, Bloodstained Ritual of the Moon est le jeu que Koji Igarashi, qui travaillait chez Konami et qui a travaillé sur toutes les Castlevania qu'on aime à la Metroidvania, c'est son Kickstarter. Parce qu'il a crissé son cadre chez Konami parce qu'il n'avait plus son casque, il n'aimait pas ça. Puis là, il a dit, je vais faire un nouveau Castlevania. Mais j'ai pas le droit d'appeler ça Castlevania. Fait que ça s'appelle Bloodstained. Et puis là, il voulait faire un Symphony of the Night-like. Puis ça va être Ritual of the Moon. Et puis, ce jeu-là, il y avait des... Comment on appelle ça dans Kickstarter? Des niveaux? Des stretch goals. Des stretch goals. Exactement. Et puis, le jeu, il a été backé. Squad goals. All the way, je pense, 5 millions en deux jours. Ouais, ça a vraiment pas été long. Dans les jeux vidéo, c'était le deuxième plus rapidement backé après Shenmue 3. À ce que j'ai lu, j'ai écrit là-dessus sur RDS. Mais c'est à quel point il donne ça à Switch qu'on a mis pareil? Hein? Tabarnak, man! C'est le monde l'as, en voulait-tu, je pense qu'il en voulait un, esti. Puis ce stretch goal-là, il était vraiment à la fin, tu sais. Ouais. Fait que là, je me suis... Puis c'est supposé être un petit jeu, genre, prequel, pardon, 8 bits. Puis là, ouais, moi, j'étais comme... affaire, là, des pinots. Ah, ils vont comme... chier une patente. Tu sais, parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer ça, c'est clair, parce qu'ils sont bien occupés avec le reste. Mais finalement, man, ce jeu-là, il est crissement bien fait. Tout d'abord, c'est un hommage total à Castlevania 3, Dracula's Curse au NES, qui est un de mon jeu le plus important à vie. Et puis, il reprend des mécaniques très intéressantes d'avoir plusieurs personnages. Donc, on commence avec un dude qui s'appelle Zangatsu, qu'on voit présentement à l'écran. Il n'y a pas un fouet, il y a une épée, ben un genre de katana. Mais il y a des sub-weapons aussi qui sont comme une balle de... Il y a l'eau bénite, tu sais. Il y a un coup de fouet en diagonale, comme dans Castlevania 4. Et puis, c'est ça. Et puis, dans le fond, en butant des boss dans les niveaux, tu rencontres des alliés potentiels. Là, on vient de voir Myriam. Myriam est la personnage principale du vrai jeu, mais elle est là-dedans aussi. Puis, elle a un fouet là, des Belmont. Et puis, elle saute plus haut, elle est plus rapide. Là, on voit... Alfred, le bibliothécaire. Ouais, Alfred, le bibliothécaire, qui est dans le fond l'équivalent de Sifa de Castlevania 3, qui fait de la magie et qui fait la superbe magie de geler. Ouais. Fait qu'il peut geler de l'eau puis casser de l'eau avec un coup de baguette puis n'importe quel boss, y compris les boss finaux, n'importe quel monstre. Donc, ils sont vraiment allés le chercher ben là-dessus. Serviable. Il est plus faible, tu sais, puis il frappe un petit coup de canne, pas si efficace. C'est la même affaire. Donc, c'est magnifique. Puis là, on a vu Alucard à l'écran présentement. Ouais, c'est vraiment Alucard. Comment est-ce qu'on dit? Gebe. G-E-B-E. Ouais. Gebe. Gab. Moi, j'ai Gebe. Gebe, bon. Puis, dans le fond, lui, il n'a pas de sub-weapon. Et puis, il lance des petites chauves-souris et se transforme en chauve-souris. Ouais, pareil ça, comme Alucard dans Castlevania 3. Or, tous ces personnages-là ont des skills. On a vu Myriam glisser ici. Et puis, tous ces skills différents-là vont vous être utiles pour parcourir les 8 niveaux. Et puis, parce qu'il n'y a pas un choix de niveau sur la map, là, comme dans Castlevania 3. Par contre, au sein des niveaux eux-mêmes, il y a plusieurs chemins. Ouais. Et puis, si tu as un d'autre qui est mort, puis il fallait que tu traverses en chauve-souris l'autre bord, puis ton guébé est mort, ben tu peux pas y aller. Fait, faut que tu prennes la longue route. Donc, à ce niveau-là, de cette façon-là, ils te font jouer, puis ils te font recommencer, puis ils te font vouloir refaire les niveaux, tu sais. Mais pour... c'est qu'au début, tu, si tu lis bien, ils te disent, tu sais, suis les cadavres, ils vont te montrer le chemin, tu sais. Exact. T'as tout un cadavre qui pointe vers quelque part. Mais des fois, tu peux pas y aller parce que t'as pas le personnage. Ouais, t'as pas le personnage. T'sais. Fait que c'est ça. Et puis, bon, les niveaux eux-mêmes, c'est très classique Castlevania. Ouais. La forêt, le bateau, la genre de tour. C'est pas une tour en grenage, par exemple. Ouais, c'est ça, Clock Tower est pas là. Je pense qu'ils ont pas poussé... Ils ont pas poussé leur luck à ce point-là, mais quand même, on retrouve beaucoup de choses. Mais tu sais, ça, tu reconnais là, Castlevania. Hey, on dirait que c'est l'entrée du château. Là. Ouais. Puis tu sais, Zangatsu, il est comme orange, là, pareil comme dans Castlevania 1 et 3, là, dans le fond. Puis dans ce jeu-là, il y a pas de poulet pour te donner de la life dans les murs. Ce qui donne de la life, c'est des cœurs. Mm. Et puis, dans le fond, ce qui te donne des sub-weapons, dans le fond, c'est des petites potions, là, tu sais. Bref, ils ont comme juste un fucké up cette affaire-là. Exactement. Ouais. Moi, j'aimais ça, manger du poulet puis ramasser des cœurs. Mais je pense qu'ils ont pas poussé leur luck, là. Mais il y a encore des affaires de cacher dans les murs, des fois. C'est ça, des sacs de pièces puis des gros cœurs, là, pour te donner de la life. Ça fait plus de sens de cacher des pièces dans le mur qu'un poulet entier. quand même. Très avarié. Ils ont aussi caché des affaires. Tu sais, c'est pas tout le temps, genre, devant un gros mur. Tu sais, il y a un gros mur qui va frapper dedans, tu sais, c'est sûr. Mais des fois, c'est juste dans un petit bloc coin. Ouais. En avant d'une porte ou bien dans une place que tu dis, me semble que. Fait qu'ils ont comme respecté ça, puis ça marche au bout. Ça, c'est bien trippant. Donc, dans le fond, tu finis ce jeu-là la première fois avec tes quatre personnages. Tout va bien, c'est merveilleux. Puis là, t'as comme pas une belle fin. Puis là, tu unlocks le mode Nightmare. Là. Oh, ben, je vais essayer ça. Ouais. Puis là, Zangatsu est pas là. Fait qu'il faut que tu refasses le jeu avec avec les trois autres personnages. Puis là, vu que tu commences du début, tout de suite, avec les trois personnages, là, tu te rends compte qu'il y a des places, tu pouvais pas aller avant. Ouais. Fait que là, tu ramasses des power-ups déjà que tu peux avoir, tu sais. Puis à la fin du niveau Nightmare, là, t'as comme une fin différente avec tu te bats contre un evil Zangatsu, là, dans le fond. Fait que tout ça, c'est comme une extension du jeu normal. Très cool, mais qui aurait dû pousser un petit peu plus, à mon avis. Mais c'était vraiment le fun parce que chacun des personnages, séparément, se sépare. Chacun va faire son petit bout de tableau. Donc, Zangatsu est badass au bout. Ouais. C'est vraiment hot. Et puis après... Non, puis aussi, il trosse pas. À toutes les fois qu'il termine un niveau, puis il le voit, il dit... Ben, tu m'as l'air louche, mais... OK. Ben, c'est ça que je voulais dire aussi parce que pour unlocker le mode Ultimate... il faut que tu, au lieu d'accepter... Tu refuses l'aide, tu les tues. Parce que quand tu rencontres un personnage, t'as trois choix. Y parler pour qu'il vienne avec toi, le tuer ou l'ignorer. Et puis, si tu le tues, Zangatsu va acquérir un pouvoir. Donc, il y a trois pouvoirs à acquérir. Un double jump, un genre de slash d'épée pendant qu'il est dans les airs, et puis un dash. Shit. Un coup que ton personnage a ces trois skills-là, c'est super, c'est carrément un autre jeu, là, tu sais. Okay. C'est super le fun. Chris, ça donne le goût de le faire demain, par exemple. Chris, oui, mon gars, là, t'es ailleurs, là, c'est j'avais vraiment pas trippant. Ça, pas en tout. Fait que ça, dans le fond, c'est le mode Ultimate, puis pour avoir la vraie fin, il faut que tu fasses ce mode-là, que ton personnage a toutes les powers, mais que tu ignores tout le monde. Fait que là, t'as juste tes pouvoirs avec toi, puis t'as pas d'aide, puis là tu le bats, puis là t'as la vraie fin. Donc essayez ça, en fait, renseignez-vous, allez voir sur internet. Malheureusement sur Switch, il n'y a pas de trophies ou de trucs de même. Fait que tu sais pas tout ce que t'as fait, ça manque cruellement. Ouais. Parce que tu peux finir le jeu en tuant un gars, puis en prenant un autre, ça va te donner un achievement X. Mais sur Switch, tu te perds un peu. Mais il a ses autres consoles, par exemple. Là, comme c'est disponible sur toutes. Mais moi je parle de Switch parce que j'ai joué sur Switch, là, tu sais, mais c'est ça que j'ai trouvé un peu triste. Mais c'est ça, le jeu il est. Ben, je suis habitué de jouer à Castlevania, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus accessible que si tu joues à un vieux Castlevania. Ouais, il est facile. J'ai trouvé plus facile. Mais tu le refais. Ce jeu-là te demande de le refaire, tu sais. Puis tu le refais avec plaisir parce que t'as des nouvelles affaires à chaque fois, soit que t'as des nouveaux pouvoirs, ou ben t'as tout de suite tes bonhommes en partant. Puis c'est ça qui est trippant. C'est fou qu'il ait mis autant d'efforts dans un jeu qui était comme un stretch goal way out. Là, ben c'est... oui, sérieux. Puis les boss sont écœurants, man. Ils sont yo. Ouais, les boss sont cool. La musique est super bonne. Ah, ouais, elle est vraiment bonne, tu sais. Puis tu peux mixer des affaires un peu aussi. Mettons, Alfred, il y a comme une magie de feu où est-ce que tu as une invincibilité autour de toi. Mais ça, tu l'actives, puis tu switches de personnage. Puis ça reste. Fait que n'importe quel personnage a cette invincibilité-là, tu sais. Puis il y a des places où tu n'as pas le choix d'avoir sa magie de glace pour péter un golem, pour continuer. Tu sais, Sérieux, il y a plein de choses à faire. Et puis, je pense que c'est juste 10$ hein, ce jeu-là. Il est très, c'est vraiment pas cher. Très, très 10$. Il est très 10$. Mais si tu as backé le jeu, comme j'avais fait à l'époque, ben, tu as reçu ton code après tout le monde. Oui, parce que c'est toujours demain. Mais moi, m'avoir ma copie physique, en tout cas, du Ritual. Ben, l'acheter, ma copie physique. Là, je sais pas s'ils vont la vendre, c'est pas clair. Moi, de Curse, tu parles? Ouais. Non, pas de Curse, non, excuse-moi, de Ritual of the Moon. Ouais. Ritual of the Moon, c'est ça? Of the Night. Ça, c'est of the Night. Ritual of the Moon, Curse of... Ritual of the Night, Curse of the Moon. Ouais. Mais ouais. Moi, je pense pas qu'il va avoir un jeu physique de Curse of the Moon. Cependant, je pense qu'il pourrait... Ça serait gentil. Ils vont le mettre avec le code, là, avec le rituel. Tu l'as eu, là, le code. Il était pour les Kickstarter backers. T'as regardé le générique, j'imagine, vu que t'as fini le jeu quand même, soit... Il semblait-il y avoir beaucoup de monde qui a travaillé sur ce jeu ou t'as juste vu genre trois noms The End? Non, il y en a quand même un petit peu plus long. Là, mais ouais, il faut faire attention. À ce temps d'un générique, t'as comme toute la direction du studio avec les RH, ouais, c'est ça. Les partners, les partners, japonaises, les testeurs, le studio des testeurs, le manager du studio des testeurs. Mais il n'y a pas tout ça. Je serais curieux de voir combien de monde. Non, il n'y a pas tout ça là-dedans, sérieux. Mais non, écoute, j'ai capoté, ben Red, j'ai joué à ça là, pendant 2 semaines à leur passer, puis à la fin, aussi tu débloques un boss rush mode, puis man, il était pas question que je réussisse pas à faire ce boss rush là, puis aussi, il te redonne pas tout, tu sais, mettons, t'as des cœurs, et puis t'as des sub-weapons, mais si tu décides de les prendre pour tes personnages pour aller battre un boss, après ça, tu reviens à la zone neutre. Tes autres plus, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce que t'as. Donc, très le fun, le boss rush. Puis à la fin, j'étais vraiment une brute. Donc, c'est très satisfaisant. T'as un setup de pauvre aussi, il me semble, que t'as fait. Ouais, j'ai fait ça. Puis je suis pas allez très voir satisfait sur Facebook. De ce que ça donne. Parce que t'as pas le choix de filmer vertical avec un téléphone live. Ce sera pas long, les gars. Et puis, sur une télé 16:9, tu sais. C'est tellement large versus la verticalité de mon téléphone qu'on voyait presque rien. J'étais bien déçu. Tu parles pas de tourner ton téléphone de côté pour le. Tu peux pas. En contre-épicta ou pas c'est... en live. Pas en live. Facebook Live me permet. Facebook Live, c'est toujours un téléphone. Installe-toi chez vous et on va t'arranger ça. Oui. Je fais creuser mon sol là puis je t'appelle. Ça va être fou. Ouais. Fait que écoute, je pourrais jamais dire à quel point tout le temps ce jeu-là me fait capoter. Je suis vraiment heureux que ça existe. Ça m'a vraiment fait du bien. Tout le monde aime ça. Tout le monde est satisfait. Ah ouais. Même Kevin Boilly. Alors, je donne un très gros 9.5 à ce jeu-là. Quasiment envie de donner un 10, mais je suis comme pas capable de donner. C'est un jeu, je sais pas. Peut-être un petit peu plus long, je sais pas quoi, mais en même temps, ils ont tellement livré versus ce qu'on s'attendait de. Je veux dire. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès. J'aurais dû donner un 10. Mais, prochaine fois. Prochaine. Malade. Ils ont fait malade. Exprès. Ils se sont dit, c'est un petit jeu, là. Inquiète-moi. Ah ouais, man. On brûle ils ont gagné. Là, c'est à GF! Ouais, deuxième jeu ce soir et je retourne en VR avec le jeu Budget Cut, développé et publié par Neat Corporation. C'est disponible sur HTC Vive et Oculus Rift. Et c'est un jeu que j'ai déjà parlé, je pense, à Retro Nouveau parce qu'il y a un démo qui est disponible depuis 2 ans, depuis en fait la sortie du Vive. C'était un démo technique qui était incroyable. Ouais. On attendait, puis c'était repoussé, puis on est, c'est pas de nouvelles, le jeu sort pas, c'est mort finalement. Avant le E3, il annonce une date de sortie. Oups, on a des petits bugs techniques, on repasse la sortie, puis là, paf, façon de passer, c'est sorti. Fait que là, je fais. Ben là, faut que je le fasse, parce que je peux pas passer à ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui était tellement attendu, je voulais en parler. Donc, c'est un autre jeu de furtivité stealth, en fait. Et puis, ça, c'est un mix entre Portal, Job Simulator, le film Office Space, avec une narrative d'espionnage en arrière, là. Tabarnouche. Donc, là-dedans, on se retrouve employé de bureau dans une compagnie qui va employer autant des robots travaillants qu'on voit là. Que des humains. En fait, nous, on va jouer un humain. Et on va recevoir un appel à notre station de travail qui va nous dire de faire attention parce que quand les humains sont envoyés au HR, donc aux ressources humaines, ils ne reviennent jamais. Comme d'habitude. comme d'habitude. C'est hot. La narrative est vraiment, vraiment excellente. Là-dedans, c'est rempli d'humour. Ça me faisait beaucoup penser à des jeux de Valve, mettons. Le look aussi est très, très réussi. Ça feel c'est beau, là. Bureau. Là. Ça feel, tu sais, les néons, les photocopieuses, les tasses de café qui traînent. Là. C'est très, très, très bureau. C'est très réussi, ce look-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi grand feeling de présence dans mon environnement en VR. Ouais. Tu peux te cacher en dessous des bureaux, tu sens vraiment que t'es physiquement dans le jeu. Puis des fois, c'est pas tout le temps le cas. Dans le jeu, tantôt, Carton, ça l'était, mais moins que ça. Ça, là, c'est. T'oublies carrément que que tu joues à quelque chose, tu te sens vraiment présent. Mais c'est beaucoup plus beau aussi. Là. Ouais, c'est beaucoup plus beau. Puis ça a été beaucoup plus développé longtemps. Comme là, tu peux te cacher en dessous du bureau, comme on a pu voir là. Ça veut dire quelque chose, Fred? Ça, c'est pas sur PS4 VR, là. Hein? Non, c'est seulement sur, sur PC, ouais. ce jeu-là. Laisse donc faire ça, Fred. T'as pas besoin de ça. J'abandonne, c'est ça que je veux, là. C'est un jeu dans lequel on va devoir se pencher souvent, passer dans les trappes de ventilation. Si on passe dans un plafond, mettons, on va voir se mettre à quatre pattes à terre parce que notre tête dépasse, sinon, puis on voit plus rien. Fait qu'il faut vraiment physiquement faire les actions qu'on fait dans le jeu, en fait. Ça marche en téléport, dans le fond. On peut être furtif ou non, dépendamment de si on tient notre piton longtemps. Et là, on va voir le téléport, comment ça fonctionne. C'est que quand tu... la twist, c'est que quand tu envoies ton téléport, c'est une boule qui arrive et le téléport s'ouvre, mais t'es pas encore transporté. Tu peux regarder à travers ton téléport pour voir, y a des ennemis où je m'en vais. Sauf que, attention, si vous lancez la boule, ben les ennemis peuvent voir aussi la boule. Donc, vous allez alerter les ennemis. Fait que ça, c'est super brillant. C'est cool qu'ils jouent avec ça. Ça c'est vraiment cool. Là, vous voyez ce que j'ai tantôt. Là, je me cache dans des petits cubicules. Fait que je suis carrément à quatre pattes à terre dans le bureau là en bas. Comme Neo dans la Matrice. Et voilà, exactement. Donc, dans le fond, dans ce jeu-là, en plus, la compagnie pour laquelle on travaille ont engagé des robots de type militaire pour surveiller des employés de bureau qui travaillent à faire de la paperasse, qui est vraiment bizarre. C'est des gens de Terminator, sont vraiment impossibles à tuer ou presque. C'est comme Alien Isolation. Genre, c'est là. Un peu ça. On est très, très impuissants, nous autres, par rapport à eux autres. Fait qu'on va se défendre, on va devoir se défendre avec ce qu'on va trouver un peu partout. Donc, des ciseaux, des ouvrelettes, des choses comme ça. On a pas de fusil dans le jeu-là. T'es pas chanceux. Hein. T'es vraiment là, impuissant, mais ça fait que faut vraiment que tu sois furtif. Regardez bien cette séquence-là aussi qu'on voit là. Vous allez voir que je vais lancer un couteau dans le dos d'un robot et je vais reprendre le même couteau pour le restabber une deuxième fois. Ça, c'est très, très satisfaisant. Puis vous avez vu peut-être là, les robots mourir, sont vraiment drôles, ils pissent l'huile partout. Puis ils agonisent pendant 10 minutes comme « Oh, so much things left to do! » Ce qui fait aucun sens parce que c'est des robots. Les robots ont un dialogue vraiment drôle. Même les robots qui sont les robots gentils qui travaillent avec toi... ils sont tout le temps comme « Hey, j'aime les lundis! » Puis tu sais, c'est fou, les dialogues n'ont aucun bon sens, mais toutes des affaires qui sont très, très drôles là-dedans. Même si dans un bureau, le jeu, il y a vraiment beaucoup de personnalité. Comme je disais, les robots gentils, ils ont des commentaires drôles. Des fois, ils chantent. C'est ça, là, tout le monde pisse le sang. Puis c'est pas long qu'il y a de l'huile partout à terre qui coule. Qu'on peut voir là, moi, je suis caché entre deux bureaux en ce moment et j'attends de me faire tuer. Faut être vraiment, vraiment très furtif parce que dans ce jeu-là aussi... Ben, les armes sont vraiment limitées plus que dans Carton. On a le droit à 6 objets, je pense, dans notre inventaire, dont un pager qu'il faut garder en tout temps. Pourquoi? Un pager parce que t'as une dame qui t'appelle au téléphone qui va te pager. Tu vas prendre un téléphone dans un fax, ça va te sortir un graphique comme « Ok, ton prochain objectif, faut que t'ailles là, va voir telle affaire, telle personne, tu devrais être à tel niveau, fait qu'elle va donner des indications. Si, » Mais c'est tout ce que t'as comme indication, ça va être au téléphone. Ok. Fait que c'est vraiment bien. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment fantastique. Il m'est arrivé à un moment donné, j'étais caché dans une petite trappe, puis je pensais que personne me voyait. Puis là, il y a un robot travailleur qui passe, qui est comme « Hey, coworker! » Il a alerté les robots en disant ça, qu'il y avait une présence d'un humain. Câline. Fait que les robots physiquement me voyaient pas, mais vu que lui m'a vu, puis qu'il a dit « Hey, salut mon collègue humain! » Mais ça a alerté les robots méchants de venir me tuer. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant comme de AI là, d'avoir fait ça de cette façon-là. Bon, une autre affaire aussi, c'est que si un robot méchant voit un cadavre de robot à terre, ben il va détecter qu'il se passe quelque chose. Fait que faut que tu pognes le robot puis tu le tires tranquillement. Ah puis ouais, tu quelque part. Il est comme un ragdoll, fait que tu peux l'amener puis le cacher quelque part là pour. Il voit-tu le sang ou ça Il remarque pas les traces d'huile. Ils vont juste vraiment voir si le corps est à terre. Puis les robots gentils vont faire comme hey, tu danses à la job, c'est donc bien drôle ça. Fait que ils font des commentaires même sur le fait sont morts. C'est vraiment vraiment bon. Puis le niveau d'adrénaline de ce jeu-là est assez incroyable. Quand t'as juste deux couteaux puis t'en lances un puis tu manques ta shot puis tu détectes un ennemi là, le niveau stress monte d'un coup puis faut vraiment que tu sois rapide sur tes patins puis que tu te réveilles sans scène. Donc sentiment de danger vraiment là. J'ai vu quelques glitches visuels une couple de fois là. Mettons dans le corridor plus loin tu vois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il load qui est pas loadé, tu téléportes, oups ça load. C'est arrivé une couple de fois mais ça brise vraiment vraiment pas l'expérience là. Il y a 9 heures à peu près de gameplay dans ce jeu-là. Quand même! De story mode. Puis je suis pas encore rendu à la fin, mais de ce que j'ai lu, j'ai pas vu de spoiler, mais on dit qu'il y a des belles surprises vers la fin du jeu qui s'en viennent. Fait que c'est vraiment là un jeu incroyable. C'est un des jeux en VR le plus brillant que j'ai pu jouer jusqu'à maintenant. Ouais, mais je voyais un commentaire tantôt dans le trailer, ça disait ça me rappelle les meilleurs jeux de Valve. Exactement. Au début, ça ressemble beaucoup là, à Half-Life un peu là-dedans. Ouais. Dans l'univers puis dans la façon que la narrative est racontée. Puis ça me fait chaud au cœur de voir ça, qu'il y a des jeux qui s'en viennent en VR qui peuvent avoir une narrative aussi poussée vraiment, dans laquelle on peut autant embarquer puis qui fonctionne autant bien. Et pour toutes ces raisons, je lui donne Un 9 sur 10 à ce jeu-là. Colin, ça va fort. Gros rétro nouveau. Gros show ce soir. Mais ça, pour vrai, on l'avait mis, nous autres, à part du casque obligatoire, dans notre top 5 des jeux gratuits pour le démo seulement. Mais là, il vient de faire son entrée dans le top 5 des jeux payants. Absolument, là. Ça vous prend ça à votre kit de départ. Si vous achetez un casque de VR, budget cuts, vous le regretterez vraiment pas. C'est un must. Un vrai must. J'ai goût d'aller jouer, en plus, là. Nous autres aussi, en tout cas. C'est vraiment très bon. OK, fait que là, ça va être les aventuriers de l'or gris. Oui. Wouhou! On y revenait. Bon, d'abord... Chapeau bateau. Moi, j'ai des acquisitions, mais veux-tu qu'on commence par la présentation de ce qui se passe en fin de semaine? Ben, oui, donc, Asti. Je t'invite, Dominique. Je t'invite. C'est les cassettes nationales. D'un pays de cassettes. Pays! Ce dimanche, sous le chapiteau devant Arcade Montréal, ouais. Toutes les raisons sont bonnes pour vendre de pour faire une vente de jeux. Aucunement un show de plug ici. Ah non. Fait que dans le fond, c'est ça, il va y avoir une tente devant Arcade Montréal de 3h à 22h. Et puis, Retro Montréal, Fred et Joe vont être là. Ben oui. Avec des bacs de cassettes et puis de beaux stocks. Ah oui. Puis, toutes les générations. Toutes. La grise ne dort jamais. All the generations. Ouais. On a même de la PlayStation Vita. Christ. Hey, on a des Xbox. Ah, il y a tout. On a de tout. Fait que allez voir l'événement sur la page Retro Montréal. Retro puis, MTL sur Facebook. Ouais. Exactement. Et puis Google ça. Ouais. Viens nous voir. Puis comme je disais tout à l'heure. Like la page aussi pour voir le nouveau shit. Ben oui, c'est ça. Là, en ce moment, on est comme en transition parce que là, il y a Dom qui déménage. On a ces événements-là qui nous demandent quand même beaucoup de préparation. Puis ben beaucoup oui. De temps. Mais suivez la page. On dort jamais sur le piton. On est tout le temps pas mal occupé. Puis on n'a pas tout le temps de répondre non plus ou d'organiser des livraisons semaine. Ça, là, parce que justement, on est en deux. Les jeux sont chez Fred. Ah, c'est un peu compliqué Joe, en ce moment. Là. C'est pour ça qu'on travaille vers un local. Ça demanderait peut-être un local. Puis aussi, des gens, des fois, qui nous contactent genre à 10h30 le soir. On est super contents de vous parler, mais à 10h30 le soir, des fois, on est vieux un peu. On est un peu dormi sur la Switch. Hey, et encore une petite parenthèse que je ramène encore, mais on cherche toujours des lots pour ces événements-là puis des affaires qui s'en viennent. Fait que si vous avez ça qui dort chez vous, des jeux encore, une partie de votre collection que vous voulez plus, vous voulez faire des échanges et tout. Même si t'as 6 Jack Nicklaus Golf. 6 Jack Nicklaus Golf, je t'en échangerais peut-être ça contre un Jack Nicklaus Golf. Mais il n'y a pas de grosseur en passant. Ça peut être une collection complète. Ouais. On a un fan qui nous a contacté justement pour nous vendre juste un Game Boy Player. Puis on était comme, ben oui. Ben oui. On est dans l'action. Ouais, des petites choses. Ça peut être des milliers de stocks. Ouais, on cherche du gros stock. Comme je vous dis, si on a un local, il va falloir fouler ça, cette place. Ben oui. Mais à part de ça, sinon, écoute, moi de mon côté, ça a été pas mal tranquille. J'ai fait des ventes de garage. J'ai pas grand-chose à raconter. J'ai fait des petits catchs, des moins bons puis des plus bons catchs. Mais toi, Dom, t'as l'air d'avoir pas mal préparé tes futures tablettes, là. Ben, écoute, moi, j'aurais pas de tablette avant un esti de bout, puis je continue de piler les jeux. Je suis très malheureux, présentement. mais c'est pas grave, parce que pendant que tu fais les ventes de garage, tu trouves tout le temps les petites affaires. Ouais. Puis j'ai beaucoup de choses là-dedans. Tout le monde se graisse la patte, sauf moi. Exactement. Fait que je me suis pogné un petit Rayman Origins pour ajouter ici dans ma collection. Oui, j'adore collectionner la Wii. Puis, tu sais, je vois-tu jouer à ça un moment donné chez Arcade Soleil? Arcade Soleil, il l'a trouvé dans le Wild. Fait que pourquoi Colin. Pas? Dans le Wild aussi, il a trouvé un magnifique rutilant Silver Surfer. Wow, propre. Pas magané. Hey, c'est propre, ça. Hey, j'en avais besoin d'un pas magané. Il me reste genre 8 jeux, tu sais, à remplacer. Il m'en reste un à remplacer. Là, qui est dégueulasse, c'est Lemmings, puis on le voit jamais. Là. Ah ouais, hein, c'est ça. Pas de top label, ça m'écœure. Puis mon Dusty Diamond aussi, il est pas beau. Ah ouais. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant. Quand tu as un complete set, puis là, tu as un petit label upgrade, c'est bandant. Là, c'est vraiment le fun. Chez Ubisoft, Fred a trouvé ce magnifique boîte et crête de plastique à l'intérieur. Ben oui, Metroid 2 Return of Samus. Ça tombe bien parce que j'avais la cassette et le livret. Fait que là, j'ai une copie. Ça fait plusieurs qu'on voit passer, justement, puis qu'à toutes les fois, c'est comme tu peux pas l'avoir. T'sais, la dernière, je pense qu'on avait eu en inventaire. Joe la gardait, puis il y avait le King de Saint-Eustache, j'en avais un, puis tout. J'en vois à vendre des fois, mais ça, c'est rendu complet, là, quasiment 200$, non? Ah, je sais pas. Écoute, moi, quand j'ai les jeux dans ma collection, je check plus. C'est ça, on check plus. J'ai besoin d'en vendre. J'étais mais sinon, surpris de voir la valeur de ça de nos jours. Ouais, le Game Boy, entre 100 et 200, mais tu sais, dans ma tête, ça valait genre 70. Non, c'est au-dessus de 100. Le Game Boy en complet en boîte, les prix sont ridicules. C'est dégueulasse, man. Ben, en tout cas, merci, c'est magnifique. Ça fait plaisir, bandé, mon beau Dominique. Très bandé. Oh, wow. Et puis là, j'ai emmené juste un exemplaire. Fred a trouvé un esti de gros paquet de verres de lutte promotionnels de la WWF. C'est beau. Qui, je pense, ça devait venir dans les Ultramorts. Je pense que oui. Petro-Canada. Ouais. J'ai acheté ça à une dame. On en avait une boîte de. Hey, Ultimate de Warrior est tellement heureux. Que, ma copine, c'est une fan de lutte. Elle écoute toujours la lutte avec les gars de Trois Bières, d'ailleurs. Donc, Fanny du podcast Vissaka des Geekettes, deux plugs en une. Voilà. Puis, fait que je me suis dit, j'écoute, je vais ramasser ça. C'est la set complet. Puis finalement, l'ouvrant, c'était juste des doublons. Fait que finalement, j'en ai donné à tout le monde. J'en ai donné à Yannick pour chez eux parce que c'est chez lui qu'on va toujours écouter la lutte. J'en ai donné à Dom. J'en ai donné à un gars dans une des friperies que je vais souvent. Un gars qui est un autre fan de lutte. J'en ai donné. écoute, j'en ai donné à tout le monde. J'en ai donné à Tijo. Toi, il te manque juste Brutus de Barber Beefcake pour finir ton set. Sais-tu quoi? J'ai vu un gars qui l'a... Ben Leness l'a attrapé, juste lui. Puis là, j'étais comme, ben oui, moi, t'as le troqué. J'en ai un en double encore d'Ultimate Warrior. Puis c'est toi, je pense que j'ai donné mon doublon. Prends-le, j'en ai pas besoin de deux. Écoute, maintenant, si tu me l'as, je me sens moins mal de te le demander. Ben oui, prends-le. Donc, oui, faire un il y en a six, puis moi, il m'en manque deux. Fred, il va compléter son set. Full set WWF. Je suis passé par le EB Games et puis j'ai acheté deux magnifiques jeux. Mega Man Legacy Collection 1 et 2, j'en ai parlé sur RDS, puis ça m'a crissement donné le goût de jouer en portable à tous les Mega Man existants, pas juste un assis sur une télé, mais toutes, là, tu sais. Et puis Owlboy ici, qui est un jeu qui se voudrait peut-être au look rétro, comme on disait tantôt, mais ô combien profond et intéressant, un esti de beau jeu indépendant que j'ai testé un petit peu, puis que clairement, des jeux de même, quand ça sort physique, moi, j'achète ça. C'est de la bombe. C'est de la bombe. J'ai acheté des grosses cassettes de Super NES. Evo ici. Ah, c'est que c'est bon ce jeu-là. Qui est, j'ai pogné ça sur la page de CJVQ 160 parce qu'il était supposément magané. Bon, moi, je le trouve pas si pire. Parce qu'il est plus beau que la mienne. Tu sais, pour sauver 50$, là. Je suis crissement content. Ah, okay, Et puis j'ai un Earthbound ici que j'avais toujours pas dans ma collection plus. Les gros canons. Qui est à 170, je l'ai payé, ça, je pense, autour de 200-220, qui est un petit peu moins beau, mais quand même très tolérable, je trouve, pour des jeux de ce gros calibre-là. Ben oui, écoute, c'est bien correct. C'est bien correct. Sur la tablette, tu vois pas les imperfections de ça qui sont. C'est ça. Moi, je suis rendu là dans le Super NES. Les gros titres que, bon, ben, je veux pas acheter la merde. Ouais, très cher. Moi aussi, je filtre mon Super NES. Des beaux gros jeux juteux comme ça. J'en rajoute un par trois mois, mais c'est toujours un gros. Exactement, exactement. Je suis rendu là. Ici, Julien Hull m'a poké pour une démonstration cartridge de Intellivision. C'est tellement cool. Ça, en 1979, dans les magasins, ils mettaient ça dans console. C'est 15 minutes de gameplay et d'explication au texte avec la musique de genre 3 jeux Intellivision. Puis à quel point l'Intellivision est super le fun. Puis il laissait rouler là toute la journée, puis là les jeunes ils fixaient. J'espère qu'il va avoir une TV au net, au WEG qui va avoir juste ça qui va rouler en boucle. Eh oui. Tellement, man. Moi, si je voulais mettre ça sur Arcade Montréal, c'est une télé pour ça tout le long. Là, mais j'ai dit aux boys que je voulais faire une soirée projection. Sérieusement, moi, je suis vraiment curieux de voir ça. C'est vraiment une pièce d'histoire. Tu sais, il n'y avait pas tant de démos que ça en magasin de trucs 100% dédié démo. Exact, exact. Ça, c'est vraiment un artefact de quelque chose qui est magnifique. C'est très intéressant. C'est très drôle. Ça vaut entre 50 et 100, donc c'est un petit peu dur à dire, mais écoute, moi, j'aime avoir des petites curiosités comme ça. Oui. Et pour finir, Holy Grail pour moi, de Atari 2600, il s'agit de Astérix en version NTSC, donc pour l'Amérique. On m'a dit sur la page d'Atari Age que le jeu était probablement pas sorti aux États-Unis. Peut-être au Canada, mais je pense pas non plus parce qu'on n'en voit pas. Ouais. Moi, ma copie, elle vient du Mexique. Et puis, le Mexique est une bonne talle pour les jeux Atari très rares parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis là-bas puis nulle part ailleurs. Ouais, ben c'est ça. Les late release, dans le fond, là-bas, c'était comme des releases un peu plus standard. Tu sais, comme le NES. Le NES, c'est la même chose. Là. Exact, exact. Fait que le Mexique est une bonne talle pour les affaires rares. Puis ça, man, ça fait des années que je cherche ça. Puis c'est le deuxième que je vois sur eBay depuis ce temps-là. Un m'a glissé entre les mains. Celui-là, il est pas parfait, mais Chris, je me plaindrai pas. Je l'ai payé environ 220. Et ça complète la série Silver Label pour moi. J'ai hâte d'ouvrir mes boîtes pour faire une photo de famille. De tout ça. J'ai trouvé Obélix sur eBay aussi il y a une couple de mois. J'ai été crissement chanceux au Québec, man. Fait que là, j'ai tout legit. Full set Astérix. Full set Silver Label. Très fier de ça. Alors, ça conclut. C'était cool. Merci, Tom. Nice. Ben, merci. Merci à toi. Ben oui, écoute. Dans le fond, c'était juste que j'avais dit merci pour que tu me le renvoies puis j'ai l'air plus smart. On va l'air d'une charogne. C'est des belles choses. Non, mais c'est cool. Je suis content de que tu ramènes les affaires. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pick-ups comme ça. Ouais, ouais, ouais, moi-même, j'en ai pas beaucoup. Exact. Et puis là, justement, pour terminer le show, ben on oui, voulait, c'est la fin. C'est la fin. On voulait parler. On voulait parler un peu, vu que c'est notre dernière soirée en studio, dans ce studio. On voulait parler de... Ouais. Scrap à place. Ouais. Trash the place. Mais on voulait parler... être nostalgique, parler de Rétro Nouveau à travers les années. Parce ça fait quand que... même 7 ans que ça roule, Rétro Nouveau. Ouais. 7 ans que ça roule, puis ça a commencé dans la cuisine à Dom. Ouais, ben c'est ça, on voulait parler de nos nombreux studios. Ouais, ouais, c'est vrai. Tous les studios de Rétro Nouveau. Donc, premier studio, dans la cuisine de ma nouvelle maison, à l'époque que j'ai acheté en 2011. Ouais. Et puis, tu travaillais chez Musique Plus, et puis tu venais chez nous sur l'heure du dîner. On avait une demi-heure flush. T'arrivais avec ton sandwich. OK, ouais, on enregistre. Midi, ah ouais. Puis là, on avait une demi-heure. Puis là, ben, tu repartais, puis ciao, bye. Ouais. C'était comme ta-ta-ta-ta. Ben, on se lançait. Là, ça a commencé comme ça. Ouais. Puis pendant un de ces midis-là, ta blonde t'a appelé pour dire qu'elle allait accoucher. Ouais. Épisode 7. Fait que là, tu t'es sauvé. Finalement, elle n'a pas accouché ce jour-là, mais pas longtemps après. Ouais, ça n'a pas été longtemps après, là. C'est ça. Fait que là, après ça, il a fallu faire le show chez vous. Ouais. On l'a fait chez vous à ton condo dans le temps. Et puis dans ce temps-là, tu sais, Chris, t'avais une très petite fille et puis un bébé. Ouais. Fait que, on enregistrait deux shows back-à-back. Ouais. Et puis on les sortait, tu sais, comme sur deux semaines. Ouais, c'était la job, là. On n'avait pas c'était le choix, tough. Là. Il y avait ça, puis après ça, il me semble, là, on est allé au studio après ça, où tu avais... Après ça, moi, j'avais un local dans l'usine Cadbury, coin de Lorimier et Masson. Et j'ai pas eu ce local-là longtemps. Et puis c'est là que Jeff est entré en jeu. Ouais. Épisode 25 à peu près dans ce coin-là. Dans la vingtaine d'épisodes, vous m'aviez dit faudrait juste... En fait, vous m'aviez pas donné l'indication. C'est comme, non. Faudrait que tu filmes des deux critiques qu'on va faire. Fait que moi, je me rappelle de m'être pointé là avec une GoPro, deux caméras, les Turtles, puis une discussion. Je me souviens plus c'est quoi exactement la discussion, mais vous irez voir. Mais oui, le premier, ça a été les Turtles. Ouais, tu l'as posté dernièrement, cette vidéo. Ouais, dans les archives. Fait que c'est comme, OK, film, puis vas-y. Fait que je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul, je vais faire trois angles de caméra. Finalement, vous avez apprécié mon travail, fait que de là, pousser le show vers autre chose. Là. Non, c'était hot. Puis je me souviens aussi que dans ce temps-là, on avait... T'sais, si on parle technique, là, on a commencé avec un petit zoom bien simple qui est comme une espèce de petit micro. Ouais. Puis on mettait ça au milieu. Quand on était au studio, justement, on là, crissait ça. Micros. C'était patenté des affaires aussi pour mettre le zoom là-dedans. Ouais. On a fini par s'acheter des micros quand on est retourné chez vous. Puis on avait de la misère. On était dans ta salon. Des fois, ça marchait pas. C'était des gros micros de riche, là. Mais c'est là qu'on a commencé à faire plus de la TV aussi, dans le fond. Mais on a finalement fini par dire on va aller faire de la web TV parce que ça va plus être à propos pour pouvoir montrer les jeux de quels vous parliez. C'est là qu'est le futur, la web TV. Ouais. Hey, man. Fait que là, dans le fond, on était faisait ça dans ma pièce en arrière chez nous. Ouais. Ah non, c'était encore brun dans ce temps-là. C'était encore brun, ouais, encore dans, brun dans les premières vidéos. Ouais, là, ouais, les ouais, premières vidéos. Mais ça, c'était pas de la web TV. Des faux let's play de vous qui jouez, mais moi qui mets du gameplay, mais c'était même pas le gameplay de vous autres qui jouez, mais qui matchait. Ouais. Ah ouais, c'était dark. Ben du travail, tu sais. Mais dans le fond, c'est ça, j'avais quitté ce local-là, puis j'étais retourné travailler à la maison. Fait qu'on faisait ça dans cet espace-là. Ouais, ouais. Exact. Je me rappelle, j'étais en dépression. Puis après ça, on a fait des segments chez nous, finalement. Oui, dans on ton sous-sol. On est retourné chez nous dans mon sol. Sous-sol. C'est là que les premiers, pas de TV, mais les premiers Rétro Nouveau en vidéo. En vidéo, avec le background, avec tous les posters de jeux en couleur étaient là. Ah ouais, après c'est... ça, un moment donné, on s'est dit, on va là, tu faisais juste nous filmer en parlant. Ouais. Et après ça, on s'est dit, on va faire de la web télé legit. Ouais. Là, avec des tout segments, du montage, ouais. des scénarios quasiment, puis du montage des tops, des cités. C'était probablement ma formule préférée, moi, de Rétro Nouveau. Ça a été ça, vraiment. Là, ah, c'était malade. Toute la web TV montée d'une demi-heure, c'était tellement le fun, je trouvais, à regarder. C'était après, un beau produit. Là. On était trop à la merde. En gros, moi, c'est là que je vous ai découvert. Ah ouais, c'était rendu à ce niveau-là. J'ai jamais beaucoup écouté de podcast, mais de Rétro Nouveau TV, c'était... C'est ça, on faisait beaucoup avec pas beaucoup de moyens, en fait. On se débrouillait avec les moyens. On mettait des heures, mon gars, là-dedans. Heures, c'est incroyable. Moi, je travaillais pas de chez nous. On revient le midi, déplace le chien qui chie une cassette d'une couple de centimètres. Un render, renvoie sur YouTube. Cours à la job, envoie ça à Dom. Ah non, un autre petit 2 secondes de plus. On s'est fait le mal chien avec chien qui chie la cassette. Juste un peu plus lent. J'ai eu mon local sur Frontenac, un premier local. Puis là, on a continué un petit peu de faire de la télé là. Ouais. Avec Nick. Nick ouais. Chappelle ouais. qui est rentré à ce moment-là dans le ouais. show. Et puis, mais on a fini par laisser tomber ça, je pense, dans ce local-là. C'est l'épisode 7 qui a mis fin à Retro Nouveau TV. C'était pas avec la Xbox One, ça? Que ouais, c'est l'épisode avec la Xbox One, puis c'est l'épisode que... Dom, ça finit Retro Nouveau TV que Dom a une diarrhée vraiment intense. Ça, c'est le dernier, dernier. Le dernier, ça finit avec une joke de diarrhée. Ah, c'est parfait. Fidèle à l'œuvre. Justement, tu fais un... capotes, tu fais un pet, tu rentres dans les toilettes. Là, finalement, tu ressors pogné ta Game Boy. Ah, c'était beau, ça. C'était malade. Là, après ça, on a transitionné à deux formats. On avait Retro Nouveau TV et Retro Nouveau Radio qu'on allait alterner pour ouais. donner un mois de montage pour être moins rushé. Exact. Finalement, c'était pas moins de job, c'était plus de job. Ça, c'était comme. Plus. Ah ouais, ça, c'est là que j'ai fait moi mon entrée en, avec un micro en podcast quand ouais. on a commencé les Retro Nouveau TV. Très très stiff au début. Ah, et je voulais pas trop dépasser. Ben, je voulais pas casser le produit qui était tellement bon, je trouvais de Retro Nouveau à la base là. Mais attends, ça, où ça sur chez toi sur non, ben, ah, chez vous dans le décor blanc là, okay, on a fait Retro ouais. Nouveau radio. Ouais. ouais. On était les trois au départ. On l'a-tu fait à... Je me mets peut-être dans l'ordre. Je pense que Nick était pas là. C'est 7 ans, t'as le droit de te mêler. Non, Nick était pas là encore. Nick est arrivé. Nick, il est arrivé pendant qu'on faisait Retro Nouveau TV. Exact. Il est arrivé. Et on faisait Retro Nouveau Radio aussi en même temps. C'est ça. Il est arrivé. Je pense quand Nick est arrivé, on a laissé tomber la TV. Exact. Ah non, on a fait Spider-Man 64 avec lui. Exact. Nick est dans Retro Nouveau TV, mais c'est. C'est vrai. C'est pas longtemps après que ça a arrêté qu'il y a eu deux épisodes. On a dit de la merde. Podcast seulement en vidéo, puis on mixe tout ça ensemble. Puis, ouais. puis on a fait un petit bout là, puis après ça, j'ai pogné le local sur Moreau pour les arcades. Et puis ouais. Là. On a eu Mario, on a eu Mario, Ben Gagnon ouais. qui est venu, et puis. C'était le fun, ça. C'était un beau ouais, local. C'était cool. Les gars Tribute étaient venus aussi à un moment donné. Ouais. Exact, exact. Puis ouais, après puis on ça, faisait ça devant les arcades. On a fait aussi quelques épisodes à Arcade Montréal. C'est ça, après au ça, début quand d'Arcade Montréal. Fini, on a suivi encore la patente. Voilà, GF, bon. GF qui ramène très net. Ouais, GF il a tanné pendant ces trois années. C'était fou. Tabarnak. Hey, au 1 et demi, à un moment donné, quand. T'étais comme le drummer. Quand Apple ont fait leur mise à jour de Mac, on était plus capable d'utiliser l'audio. Ah, et je traînais mon écran dans les bancs de neige, puis mon ordi au complet. Je me rappelle. C'était violent. Après slush, ça, ah, ouais. Ok, on va aller à l'arcade. Il y a un ordi qui est là, finalement, trouve pas les fils. Passe 4 heures à faire le setup du studio avant de commencer. C'était l'enfer. L'éclairage, des néons, c'est des chaises, du crush. Puis... c'était le fun. On ouvrait le bar, tout, on se prenait de la bière. C'était cool au début. Mais man, l'effort démesuré que tu mettais là-dedans. Ça a duré quelques épisodes, puis on a fait comme finalement chez nous, on serait peut-être pas si pire dans le ouais, sens ouais, pour l'effort que terrible. Ça. Tu sais, on va slacker un peu sur le montage du studio pour en faire autre chose. On a embarqué dans le pre-show aussi. Exact. C'est là qu'on a commencé à le faire ici, en fait. Là. Ouais, ouais, c'est toute une évolution pareil, mais tu sais, au final, c'est tout des petits steps, puis les réponses sont venues organiquement. Là, Fred s'est joint à nous. Des Fred, je vais ouais. D'ailleurs, ouais, c'est vrai ça. Fred, je pense que t'es le seul qui a pas signé sa table. Ah ben fait qu'avant que je démonte la table, en fait, la signature qu'on ait vraiment tout le monde qui a pas de casté ici. Tu peux écrire Fred ou El Jamuzio. Tu peux écrire ce que tu veux, mon gars. Ah oh, man, je vais tellement signer et écrire El Jamuzio. Eh oui. Mais c'est hot, Krim, ça fait... Puis ici, t'sais, il s'en est tourné quand même beaucoup de podcasts. En plus de Retro Nouveau, moi, j'ai fait la soirée du podcast. Il y a eu 80 épisodes. La jardine, j'ai dû en faire à peu près une cinquantaine. Fait qu'il est pas loin, d'après moi, 150. La boucle infinie, 3, je pense. 3, 4. Infinie, ouais. infinie. Plus toutes mes streams de VR. J'ai vécu dans cette pièce-ci pendant un bon 6 ans. Là, c'est solide, vrai, hein? Tout le monde... dans les caméras, là, comme on a pu voir. Là, le dôme de création. Ah, fou c'est pareil, fou, parce que je travaille ici, derrière. En plus, ouais. Ouais. Hey, toi, tu vis ça. C'est pour ça que je t'ai commencé à être un peu tanné de vivre dans un 2x2. Je comprends. Il fait un petit peu chaud ici, tu sais. Ben, c'est pas si pire. Mais là, en ce moment, c'est pas si pire, mais j'ai eu des journées à 32 ici que j'étais comme, ouais, je trippe pas le bain en ce moment. J'ai pas de fun, là. J'ai vraiment pas de fun, non, c'est ça, là. Fait que merci Big Mav 23 de nous remercier. Écoute, le prochain studio, on va voir de quoi. J'ai bien hâte de voir, moi, avec de quoi ça va. Ben là, faut juste que je valide mes plans de ma table, là, mais j'ai une très très bonne idée de comment je vais faire ça. Là. Cette table-là. Elle va être faite custom. Faut que j'aille à la salle de coupe chez Rona pour qu'il me coupe mes planches. Là, puis, j'ai mes outils pour visser les patchs, j'ai tout mon équipement, mes fils, comment je vais passer. Je suis tout au courant de ça. Fait, MDF, ça? Un MDF, là. Non, une bonne table, là. Du gros bois, là. Quelque chose de solide. Ah, ouais? Alors, ça niaisera pas, là. Les Patreons méritent quelque chose qui est bien, puis nous autres aussi, je pense. Non, ah, tout pour nos Patreons. Nos Patreons ont sûrement besoin qu'on se fasse masser en fin de semaine. Ah, ouais, c'est ça. Mais sérieusement, sans eux, on serait jamais arrivé à cette table. Faut vraiment les remercier parce que ça n'a pas de sens. Là, ça, parce que. Il y a eu une époque, en fait, quand on a commencé à revenir en podcast, tout l'équipement que vous voyez là, c'est un peu moi qui l'a fronté. J'avais tout haché. Je suis comme, un jour, on va faire de l'argent avec ça, puis on va être capable de se rembourser. C'est quand les gars, je m'en occupe, je veux que ça soit un bon produit, puis là, le Patreon est arrivé. Ça a permis de ben, de rembourser un peu mon investissement qui était fait d'avance. Puis j'étais très content que les Patreons continuent à nous donner. Puis c'est vraiment très, très apprécié. Puis on le fait pour vous aussi. On le fait pour nous, on le fait pour les gens qui écoutent également. Ben, écoute, d'avoir du support de même, c'est comme waouh. C'est tellement c'est un miroir de. Tu sais, c'est l'appréciation. Là. On le sent. Parce on le sent pas toujours. Tu sais, il y a comme du monde. Non, mais c'est rare les interactions. Hey, je vous écoute depuis 5 ans. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Moi, ça m'encouragerait que tu m'écrives. Là, c'est le fun avec le chat de Twitch en direct. Ouais, on peut un peu plus avoir une interaction, mais c'est sûr que des fois, avant, on n'avait pas tant le feedback du monde. Puis. C'est pas tout le monde qui like, c'est pas tout le monde qui partage, mais on sait que le monde écoute pareil parce qu'on voit les stats dans le monde. Tout le monde anticipait l'explosion. Tout le monde est comme ça va sauter, ça va sauter. Sur ma signature. Oh boy. Mais non, c'est vraiment hot. Merci. Merci d'être là après tout ce temps-là. Puis ceux-là, je vois du monde qui dit « Hey, Colin, j'en ai manqué ». Tout est archivé sur retronouveau.ca. Sur vous YouTube. Avez accès aussi. Absolument à tout. Tout ce qu'on vient de dire, là, genre mon salon brun, nos cartes de crédit, tout. Super Mario, Superman 64, Let's Play, tout. Là, la diarrhée, tout est là. Allez sur youtube.com/retronouveauftw. Puis dans les vidéos, allez du début, puis ben, vous allez voir l'évolution là-dedans. On voit clairement. Il y en a du stock. Nos bedaines qui grossissent. Ouais. Mes cheveux qui tombent, les camisoles de Dom. Moi, mes cheveux louches à un moment donné, cheveux courts. T'as eu plusieurs épisodes capillaires intéressants. Ouais, j'ai vraiment eu plusieurs épisodes capillaires. On peut suivre ça. Là. Tes cheveux, c'est comme des Beatles. Là. Ouais. Plein de look rockabilly. Je suis pas sûr, mais ça vient et ça finit bien. Ah ouais, c'est quelque chose. Puis on peut voir aussi Dom quand t'étais littéralement un cadavre à la caméra. J'ai l'impression de l'être encore. Il y a des promos. Là, si vous avez la chance, allez voir nos promos. Les promos qu'on faisait, c'était écœurant. On faisait tout le temps ça après le show. On était fatigués. Ah ouais, c'était pas le bon. Des fois, Dom, il était juste plus là. On dirait qu'il allait juste pas répondre à la réplique. Tu vois, là, il est comme. Allez voir la promo de l'épisode 5, qui est toujours un grand classique avec les ballons qui pètent et les confettis. Une des préférées à peu près. Ah, moi, celle-là me fait tellement. Et l'épisode d'Halloween que tu as fait. C'est mon préféré, je pense, ça, moi. Oui! C'est un acting de premier plan, mon gars! On est très très bon dans l'acting. Les gars, je me perds dans le Ouais, épisode d'Halloween, là, gâtez-vous. Là, on a fait quelques spéciaux. Les spéciaux de Noël aussi, les galas sont le fun. Ah ouais, les galas rétro nouveau, c'était bon. Dom qui fouille dans le frigidaire à bière. Ah, j'aime beaucoup ce bout-là. Cette finale-là est une de mes préférées. Il y a bien des bons flashs qui sont vraiment intéressants dans tout ce qu'on a fait dans la vidéo. Chris, on recommence rétro nouveau vidéo. Ça part! C'est tout le temps dans ce temps-là que ça fait ça, puis après ça, on fait il y a Michael Larouche qui dit que sa préférée, lui, c'est quand que Bruno dit la PS4 qui fait des toasts. Ouais. Ben des bons gars. Il y en avait tellement. C'est le fun. Écoutez toutes les promos, vous allez voir. Ferdinand Social. Oui, Ferdinand Social for the win. Yes. Colin. Hey. Mais c'est ça. C'est la fin. C'est ton studio. C'est la fin du studio. Ben écoutez, pour terminer les épisodes dans ce studio-ci, j'aimerais ça faire quelque chose. J'aimerais ça qu'on répare le studio parce que je t'écœurais qu'on explose à chaque fois. Ça devient un problème. Ben, c'est un peu problématique. Puis c'est un peu plate pour le prochain qui va emménager ici si c'est encore tout brûlé puis dégueulasse. Puis je suis un peu tanné que tout saute. C'est l'or bâtir. Eh ouais, puis ça coûte la peinture verte des murs. T'sais, ça existe plus. T'sais, à chaque fois, faut qu'on tant que j'ai mon code de couleur à faire de la peinture. Non, c'est ça. C'est vraiment chiant. C'est pas pour la vente. Pour ça, d'ailleurs, que c'était aux deux semaines, quelqu'un qui dit Jeff qui brise son luminaire en VR. Ouais, c'est un autre bon moment. Ça, c'est un autre moment. C'est un excellent l'argent des Patreons sert à rebâtir le studio à chaque fois. Fait que, en fait, je me demande vraiment ce qui se passe avec le studio, mais j'ai trouvé quelque chose en VR qui permet de rentrer dans les circuits du studio puis de la console puis d'aller jouer un peu. C'est la matrice. Un peu comme la matrice. Puis ça fait un bout que je l'ai vu puis je suis comme, je vois-tu, ça a l'air que c'est vraiment risqué puis tout. Mais bon, dernier épisode, je pense que. On est rendu là, faut le faire, faut tout nouveau fixer. Départ, on règle tout, puis on repart à neuf. Fait que je vais juste arrêter la musique parce que vraiment je me concentre là. Je vais enlever ça, puis je vais acheter mon casque VR, puis je vais aller me rentrer en VR là, pour aller. Il chôme pas de bien fait. Alors, je vais le faire pour vrai. Quand on dit un tech guy, il faut faire ça avant, mais attends la fin. Tu sais. Non, mais il faut tant qu'à ça, d'un coup que ça marcherait pas comme il faut, je pourrais peut-être plus briser le studio aussi, je sais pas. Ce qu'il raconte. Je te fais confiance. Là. Alors, c'est rien qu'un casque. Anyway, on passe le balai quand on quitte habituellement. On fait sans vieux. J'ai un bon tech, je dois être capable de trouver le problème. Fait que je vais vous aller me voir en télévision ce qui va se passer. OK. Vas-y, on regarde ça. Je m'en vais en VR immédiatement. Alright, me voilà enfin dans les circuits du studio. Wow! C'est plus grand que je pensais quand même. Bon, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, je pense que c'est là. Bon, qu'est-ce que ça dit de faire sur l'ordi? Remplacer la batterie si défectueuse. Qu'est-ce qu'elle a la batterie? Ah, elle est craquée la batterie. On va la remplacer. Bon, il doit bien avoir de quoi en dessous pour m'aider. Bon. Ah, c'est quoi ça? Et voilà la batterie qui manquait. Wow, l'ordi! Bon, comment je m'en vais d'ici? Hey, il est où le portal? Si je mets la lunette... Oh shit! Le casque est brisé! Les gars! Les gars, je suis pris dans le VR! Je suis pris dans le VR, les gars! Oh non! GF! Fuck! Qu'est-ce qui se fait, man? Il est comme disparu. Ben là, je sais pas, man. Quelqu'un mettait le casque pour aller voir le Dom. Faites quoi, Steve? Non, je connais rien là-dedans. C'est vide, man. Non, c'est Chris, noir, il y a rien que je peux faire. T'as peur, moi, je reste pas ici de même. Là, je veux dire. C'est pas vrai que c'est à la police va arriver, moi, maintenant. Fuck this, mon gars. Non, non. Fuck it. On s'en va. On s'en va. Ouais, non, je vais emmener les dossiers Patreon. Ah,